Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Y'a une bière sur la table. Non, je tiens à Manus. C'est con entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, Inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Ah. Adieu. Bienvenue pour ce apéro original numéro 5.2 déjà. Ouais, c'est bien, tu t'es pas trompé. Je suis pas trompé dans l'alcoolémie, bravo. C'est le degré de ta bière aussi. C'est ça, on en a un peu plus déjà là. Vu qu'on arrive au 8h, ouais, tu peux pas dire. Donc, c'est toujours Gandalf 80 qui vous présente encore une fois, parce qu'il a fait deux fois du... Il a fait une demi-fois. Enfin, c'était en japonais la fois d'avant, c'est pas grave. Donc je vous présente Asto 80. Salut. Voilà, @asto80 sur Twitter. Exactement. Et le maître de Mizog, notre celui qui nous monte, enfin, de quoi, ouais, vocalement, hein, ouais. Et sonorifiquement, parce que, bref, notre ami Azertov. Coucou, c'est moi. Voilà, donc comme à chaque fois, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'on est diffusé par Pod Radio. Oui, alors, sur le canal... À des heures au jour, voilà. Consultez la grille pour plus d'informations. Non, si vous voulez, si vous voulez qu'on soit, qu'on ait de la viralité, partagez-nous. Après, on est des participants plutôt honnêtes et sincères au Podcast Award. Oui. Oui, on dit de pas voter pour nous, de toute façon, voilà quoi. De toute façon, on vaut rien. Nous ne sommes que des pâles copies de podcasts déjà existants, donc... D'où le nom Apéro Original. Voilà, tout est dans le titre. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, qu'il y a un petit événement de podcasteurs. Tout petit. Toute petite ville. Dans une toute petite ville, Podren, voilà, qui se passe fin octobre, donc je sais plus les dates. 29 et 30 octobre. Donc je pense que sur les trois, il y en aura au moins un sûr. Ah bon? Oui. Ouais, les trois que nous sommes autour de la table, un ira sûrement, un autre... deux autres peut-être. Un autre s'il est drogué. Voilà. Et un autre s'il a le temps. Voilà, s'il a envie. Mais moi j'ai peur pour mon anus. J'ai peur qu'on abuse de mon petit corps fragile. Mais non, de toute façon, ce qui se passe à Podren reste à Podren. Oh, ça va rester très localisé au niveau de mon postérieur, ça c'est sûr. Et du coup, comment on fait si on veut y aller? Et si on veut y aller, alors on se renseigne sur le site de la SNCF, sur le site de Hop, et sur le site forcément de Bad Geek. Badgeek.fr/podren. Voilà, qu'on embrasse très fort. Oui. Donnez-leur des sous, ils tireront à l'arc. Oui. Quoi? Bah oui, écrivez à l'arc. Non, voilà, c'était tout. Je crois qu'on s'est présenté en long, en large, mais surtout en travers. Voilà. De travers. Ouh, ça commence à piquer déjà. Donc, je pense qu'on va commencer par la rubrique que tous les podcasteurs, tous les auditeurs surtout attendent. La rubrique de l'invité. C'est bien bon. Je pense que j'ai gerbé là. Non. Donc, nous allons vous faire profiter des bières de plus en plus alcoolisées parce que finalement, voilà. On a décidé de le jouer cowboy. À jouer cowboy. Alors là, pour l'instant, on est bien. Donc, pour l'instant, c'est notre ami Asto qui a le décapsuleur du destin entre ses mains. Alors, on avait déjà goûté, moi, entre autres, je sais pas si. Oui, moi j'avais goûté aussi. J'ai dû en prendre une bûche aussi. Une bière bouche, donc de la brasserie du Puisson, de la bière belge. Et donc, cette fois, j'ai pris la pêche mêle-bouche. Donc, t'as pris une bouche. T'as ce jeu de mots. Aromatisée à la pêche, mais qui tabasse quand même. Voilà, c'est surtout ça le piège en fait. Donc, j'ai peur, mais. On va y aller. On commence à avoir les galettes qui... qui ça n'est pas bien. Oh, attention. Ah, c'est refait. J'ai toujours mon verre trop petit. 2,25. Non, mais c'est bien d'entrer un truc trop gros dans notre auto. Et j'ai fait une belle mousse. Ouais, ça va. Donc, je pense que tu peux faire passer le décapsuleur du destin. Ouais, voilà. Exactement, je fais passer. Azertov. Alors moi, du coup, c'est une Carolus Ombrio. C'est une bière belge aussi, oui. À 8 degrés. Donc ça risque de picoter un petit peu. Petit joueur. Comment j'ai choisi pour lui. C'était quoi l'autre sinon? C'était 6. Ah oui, tiens. Donc, ça va garder les... déjà. Et je vais me servir. À début, j'ai cru que la gestion de la mousse allait être optimale, mais là, ouais, non. Il y a de la déception. Elle est très ambrée. Jeune toute le... Ah, ça va être joli. Une bulle. Une bulle. Donc, toi, c'était 8, voilà. On va aller. Ouais, moi, c'est une 8. Cette bière ambrée spéciale, c'est une version actuelle de la bière brune traditionnelle des Malines. Voilà. Et après, quand tu l'auras bu, tu seras pas très malin. Non. Pas très fin, surtout. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au moins, c'est recommandé avec du bœuf ou de l'agneau grillé. Ah, bah, il y a du bacon. Il y a du bacon, mais on n'a pas de bœuf grillé. Ah, il va falloir vite. Vite. On a du saucisson. On laisse enregistrer et on court au sud. On a du saucisson et des gâteaux apéro au bacon. Du guacamole, des trucs comme wasabi. Parce qu'on est très japonophile ici. Donc, moi. Donc j'ai pris une Korsendonk, meilleur brasseur de tous les temps. Mais, vous savez, Korsendonk, prix 2067 de la meilleure bière, prix 3650 de la meilleure bière brune. Et vous savez, Korsendonk sponsorisé. Non, ce podcast n'est pas sponsorisé par Korsendonk, mais Korsendonk quand même meilleure bière de tous les temps. Voilà, je le répète, buvez bière, buvez Korsendonk, vous voilà, obligé. Si vous n'aimez pas la bière, vous n'aimez pas Korsendonk. Et si vous aimez Korsendonk, vous n'aimez pas la bière parce que vous aimez Korsendonk. C'est ce que j'avais. Je n'ai pas compris. Moi non plus, mais c'est pas grave. Attends, je vais faire la voix à l'ancienne. Korsendonk, Korsendonk, la bière qu'il vous faut, la bière qu'il vous faut, la bière Korsendonk. Une rousse, une 8 degrés, 8 degrés, tu vas être pré-rôti. Donc j'ouvre ma bière Korsendonk, donc rousse, voilà, bière belge. C'est une quoi? Non, c'est une rousse, donc en vrai. 8 degrés. De Korsendonk. Ah. Korsendonk, meilleur brasseur de toute la Belgique, meilleur brasseur de tous les temps même. Les extraterrestres viennent pour en acheter. Ils me l'ont dit. Ah bon? Ah oui. Est-ce que les reptiliens ou les rénaliens ou les. Non, mais cette bière est au-dessus du game des reptiliens bien. Et des Illuminati. Elle est au-dessus. Ah, ouais. Elle est au-dessus. Non, en fait, on dit ça parce qu'en fait, c'est au magasin, j'ai pris 9 bières, donc 8 Korsendonk. On sent un peu le fanboy. Pas du tout. Mais je préfère être fanboy de ça que fanboy de fanboy pardon de fanboy. Ouais, fanboy. Fanboy. Un fanboy de Kronenbourg déjà pour dire une bière voilà. Nul. Ou de trucs que je ne citerai pas le nom parce que c'est dégueulasse. Chut, chut, la Fingsboro. Pas de la Fingsboro voilà. Est-ce que tu voulais dire titanium? Putain, rien que ce que tu viens de me dire, viens de me désenchaîner la musique de David Guetta. Titanium. De David Guetta. Oui, Titanium. Chanté par Sia. Ah. Ok. Ah, Sia partout. Vous voyez l'étendue de ma culture musicale. Ah ouais, elle est quand même. Tu la connais, tu sais juste pas que ça. Elle est en vrai comme il faut. Elle est très foncée. Ah, en fait, j'ai l'impression qu'on a faut faire des photos. Un petit peu de ambrée, en fait. Ouais. Ah ben quand on va vers les 8. Ambrée légère. On a des... Mais je sais pas en fait. Mais à la bouche, ouais, il me semble que c'est un truc un peu ambrée d'habitude. Moi j'aime bien les podcasts très sonores, on fait des photos en même temps. Ouais. On est un peu des sortes de hipsters de la bière. What? J'ai jamais dit que j'étais un hipster. Monsieur! Attends, j'ai pris le micro en photo en fait. Tu voulais quoi? T'es vraiment. Juste la bière. Non, c'est pas moi, c'est le. Oh non, c'est mais pas si, toi qui tiens l'appareil! C'est l'autofocus! Ouais, c'est ça, ouais. Oh, les gens disent qu'il y a l'appareil photo. Ouais, enfin, des photos d'anthologie. Juste à côté. Ah, du coup, je la bouge parce qu'elle est un peu à côté. Là. On va pouvoir goûter. En fait, c'est ça, il faudrait que je fasse un jingle goûter. On va goûter. On va tes goûts. Ah, d'où ces podcasters, qu'est-ce qu'ils sont beaux, quand même. Qu'est-ce qu'ils sont bouillants. Ne votez pas pour nous, sauf. Alors, je tiens à dire que ma bière est bonne. Oh, elle est épaisse, hein. Ouh. Ah, ouais. Ouh. Ah, ouais, elle est épaisse, hein. J'ai de la gueule, quoi. Elle est bonne, mais ouh. Chaque... Oh, je vais prendre un peu de whisky pour diluer. Tu veux une stoute? Bah, la embryo du coup de Carolus est vachement bonne. Ah non, mais moi c'est mon tour, je peux être bourré. Moi, je fais pas de quiz, je fais pas de dossier. Parce que vous savez, ce podcast est entièrement nourri autour du quiz et du dossier. Ah bah, et de la musique de fake d'anthologie. De la musique de fin et aussi la petite nouveauté qu'on verra dans le prochain, qui est l'imposeil. Ah bah oui! Hashtag ouais. Teasing. Voilà. Faudra l'écouter. Le mois prochain. Ou pas. Probablement. Ou dans un temps indéfini. Écoutez-le si vous avez vraiment rien d'autre à faire. Oui. Parce que... Mais des gens nous écoutent. Ah d'abord, on vous remercie d'ailleurs pour vos écoutes d'ailleurs, parce que ça nous fait très plaisir. Oui, parce que nous on est là, on se marre et. On est écouté quoi. Pour le lol. On fait vraiment ça pour picoler et surtout pour picoler. Donc merci et votez pas pour nous. Voilà. On fait le dernier. Et n'hésitez pas à donner à notre Patreon. Ah bon, c'est un Patreon qu'on a, c'est pas un Kickstarter ou un Tipeee. Ulule ou un Tipeee. N'hésitez pas à donner à notre Tipeee, notre Patreon, un Kiss Bang Bang. Un Kiss Bang Bang. Il y a quoi d'autre? Le cagnotte Kiwi. Oh putain. Putain, j'ai l'impression qu'on va faire une cagnotte de naissance, quoi. Et bien sûr, sur Indiegogo. Voilà, parce qu'on est des arnaqueurs, donc on fait de Indiegogo. Voilà. Pour qu'on puisse s'acheter encore plus de bière. Mais bien sûr, parce qu'on est des escrocs. Quoique la cagnotte chez VNB commence à être conséquente. Oui, on a de quoi s'acheter, pouf, quasiment les prochaines bières. Ouais. Enfin, pour que... vous, parce que pour moi, non. Ah oui, ça, c'est vrai que toi, moi, c'est... Ça fait un tiers à peu près. Moi, je pense qu'un jour, quand même, je vais faire autant de toi de bière que moi avec du whisky. Mais une bouteille. T'auras une bouteille, moi, j'aurai le reste de bière. Voilà. Je pense qu'on l'attendra pas autant, parce que... Non. Là, on y a les gentils encore. Oh, on va recharger bientôt, je pense. Bon, ben... Allons-y. Putain, mais... Allons-y, pourquoi? Pourquoi? Alors là, on va passer au... Alors, c'est le dossier? Oui, c'est le dossier d'Asto, oui. C'est le dossier. On voit que j'ai pas le prompteur sous les yeux. Hein, ah bah, non, il y en a qui sont professionnels. Ce que j'ai sous les yeux, mais... moi, c'est le whisky, ça me suffit déjà. Merci Inspecteur Gadget. Merci Obama, merci Inspecteur Gadget. Putain, merci Inspecteur Gadget. Et merci Inspecteur Gadget. Boum, la Duchesse d'Aquitaine. Alors du coup, vu qu'on enregistre mon jingle n'a pas changé. Bah non, on enregistre trois d'un coup, donc du coup, j'ai pas eu le temps de changer le jingle, donc ça sera pour dans 6 mois. Enfin, dans 4 mois, 5. Enfin, bref, la prochaine fois, quoi. Dans 3 mois. Ouais, et c'est là que je suis en train de me dire que je n'avais pas parlé de mon podcast aussi en fin d'émission, la fin d'émission dernière, parce que je suis allé faire un podcast en fait à côté. Enfin, si, toi, on a dit. Ah ouais. Ah oui. J'ai parlé de 15 bras, 15 jambes. Par contre, au podcast Horse, vous pouvez voter pour 15 bras, 15 jambes. Non, votez pas pour nous. J'ai pas d'âme. J'ai pas d'âme, vous pouvez. On se calme, c'est mon dossier, madame. Oh. Wow. C'est pas l'heure de la promo, hein. Coupe en promo. Non, mais allez-y, ça va faire durer le podcast, parce que ça va aller trop vite. Alors, en attendant, je vais me servir un petit whisky. Ouais, on va faire un petit coup de pied. Tu es un variant. Pour mon dossier, j'ai donc apporté ma magnifique poche sac. Ah oui, sac. Ici on est dans le sud, donc ils disent poche. Alors, ouais, hein. Non, mais comme c'est une... Les poches, c'est nous, hein, pour les sacs. Comme c'est un tissu, je vais appeler ça un sac, plus qu'une poche. Une poche, c'est plutôt en plastique. On sert comme... Mais comme les poches plastiques sont vouées à disparaître... Merci Ségolène. Pour une fois. On va mettre tout le monde d'accord. Oui, surtout que les poches, on est bien d'accord, c'est sur les pantalons ou sur les vêtements principalement. Non, les poches, hein. C'est les gens comme nous qui picolent trop. Et... Oui. Non, ça, c'est les poches cons. Donc, voilà, je montre au micro ma magnifique sac. Alors, on va essayer de la représenter à l'audio. Alors, on voit Terence de dos tournant la tête vers nous. Sortant des flammes, tel un survivant. Bah, presque. Avec marqué Dreamland. 10 ans, Dreamland. Putain, déjà 10 ans, quoi. Ça prouve qu'on était vieux. Et donc, de ce magnifique sac, je vais sortir... Un lapin. Hop. Ah non, merde. Je vais sortir mon gros goumi. Oh, putain. T'as explicite. Pas du tout Dreamland. Hop. Ah, mais je vois que la trash. Tada. Oh, mais tu vas pas nous parler du duo magique? Mais bien sûr que c'est... À noter que le duo magique des Chevaliers du Fiel était vraiment une parodie. Alors, d'un ce duo n'est pas magique. Sur les Chevaliers du Fiel. Non, Non, mais dans les Chevaliers des Fées, il y a le duo magique. Et en fait, c'est une vraie parodie d'un duo magique toulousain, en fait. D'accord. C'est qui m'a beaucoup choqué. Donc, mon dossier, je l'avais appelé un duo au top. Pour pas trop teaser le truc. Ah, ouais. Je l'appelais un duo magique. Et donc, je vais essayer de vous parler du duo Oba Obata. Donc, mon duo de mangaka préféré. C'est bizarre, ça parle encore du Japon. Mais est-ce qu'il y a une fou, j'ai pas parlé du Japon, à part le tout premier où j'ai parlé de jeux vidéo. Heureusement qu'on fait un dossier sur un truc franco-belge tout à l'heure. Oh putain, teasing. Un truc franco-belge, pas du tout. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Takeshi Obata et Tsugumi Oba, j'ai donc sorti de mon sac trois mangas, et à savoir Death Note, Bakuman et Platinum End. Ah, mais... on dit pas Platinium. Et non, c'est Platinum. Il faut savoir lire, les gens. C'est Platinum, pas Platinium. Moi, j'applaudis parce que j'applaudis. Il n'y a pas marqué Platinium. Je suis désolé pour tous ceux qui appelaient le manga comme ça. Vous pouvez rentrer chez vous. J'ai envie de dire Bubu. Bubu, exactement. Est-ce que vous pouvez niquer vos mamans? Mais tout le monde n'a pas des mamans parce qu'il faut passer au couple... monoparental. Voilà, monoparentaux. Donc, vous pouvez niquer le parent le plus proche de vous. Ouais, bon, bah, hein, on va passer au dossier tout de suite. Alors, avant de vous parler un petit peu de leurs œuvres, je vais vous parler des auteurs. Donc, on va commencer par Tsugumi Oba. Ouais. Alors, Tsugumi Oba, est-ce que vous savez un petit peu deux, trois trucs sur lui? Pas du, non, pas du tout, pas du tout. Et c'est normal. Ah, parce que c'est mystérieux. Parce que c'est quelqu'un qu'on ne sait pas qui c'est. Ah bon, vraiment? Exactement. Déjà, je pense que c'est si c'est un homme ou une femme. Exactement. On ne sait pas qui c'est. À part à la Shueisha, donc oui. La maison d'édition. Bah parce que moi, il fallait venir signer. Voilà, c'est ça. Et à part qu'il vienne signer dans une boîte. Et sûrement Takeshi Obata, qui le connaît. Mais sinon, voilà, son identité est extrêmement secrète. C'est le dessinateur, c'est ça? Tsugumi Oba, c'est le scénariste. D'accord. Donc, au fur et à mesure de la popularité de Death Note, certains avancent que sous le pseudonyme donc de Tsugumi Oba se cache un scénariste célèbre. Se cache Akira Toriyama qui avait rien à foutre. De plus, bien que Tsugumi soit un prénom féminin, ouais. Il n'est pas rare de voir des auteurs de manga prendre un nom de plume du sexe opposé. Les rumeurs les plus persistantes avancent que ce serait Gamo Hiroshi, donc qui est également un mangaka, qui se cacherait derrière ce pseudonyme. Car dans la série Bakuman, l'oncle du personnage principal travaille sur un gag manga de super-héros. Oh, si vous vous souvenez de Bakuman. Oui. Voilà. Tout comme Hiroshi à son époque. D'accord. De plus, les storyboards de Oba ressemblent grandement à ceux de Gamo, et en particulier au niveau du style de dessin. D'accord. Sur les storyboards, hein, parce qu'après le dessin, c'est bien évidemment Takeshi Obata qui s'en... Oh, fait. Tu dis storyboard, mais tu devrais dire des Nemu. Oui, c'est des Nemu. Des Nemu, c'est quand tu t'appelles. Ah, rien à voir avec Nemo, hein, de Bad Geek, salut. Et Nemo, le poisson. En tout cas, l'éditeur japonais de la Shueisha garde le secret. Il indique dans une interview qu'il ressemble à Nia, donc de Death Note. À cause de son côté casanier, mais son attitude à apprendre les choses se rapprocherait plus de celle de Light, toujours de Death Note. Il a révélé aussi que, tout comme le personnage de L de Death Note, il se tient toujours sur une chaise en pliant ses genoux. Donc il a des problèmes de constipation. En particulier lorsqu'il écrivait Death Note. Donc on peut essayer d'imaginer... Oui. Un personnage qui serait un mix entre elle, Light et Nier. Ce serait déjà, c'est très, très bizarre. C'est pas une fille qui fait du hentai parce qu'elle aurait des nichons trop gros. Avec, du coup, accroupie sur la chaise, elle verrait pas ce qu'elle écrit. Et elle serait penchant d'avant, quoi. Voilà. Ah, elle aurait le centre de gravité trop loin de là. Un peu comme la vidéo de The Ring version Les Cassos, quoi. Non Pourquoi tu cites ça? C'est très bizarre. Il y aurait pas un hommage dans le... Non. Donc, le moins que l'on puisse dire concernant cet auteur, c'est qu'il est entouré d'un épais voile de mystère. Ah bon? En effet, tout comme le personnage de L au début de Death Note, personne ne connaît ni son vrai nom, ni son visage. Mais l'histoire trop bien menée de Death Note et la virtuosité avec laquelle les éléments sont mis en place détonnent de grands talents. Si bien que beaucoup pensent que, loin d'être un nouvel arrivant, Oba pourrait être en effet un pseudonyme destiné à cacher un écrivain ou un scénariste célèbre. Il s'agit bel et bien d'un pseudonyme On peut encore se demander s'il s'agit bien bel et bien d'un pseudonyme. On peut encore se demander si Oba est un homme ou une femme. Tsugumi est donc forcément, et donc comme je l'ai dit précédemment, un prénom rare mais souvent porté par des femmes. L'identité d'Oba est classée top secrète. Hein. Il s'agit probablement d'un des secrets les mieux gardés par la Shueisha. On raconte même que seules les hautes sphères des éditeurs connaissent la vérité. Et puis au Japon, attention, il faut les torturer pour qu'ils disent un truc. Donc on est pas prêt de savoir. Donc comme je vous l'ai dit, la théorie la plus populaire, c'est qu'il serait Gamo Hiroshi, donc ouais. Un mangaka qui est connu donc, pour ses mangas d'humour, Totemo Lucky Man, et Boku wa Shonen Tentai Den, qui se rapprocherait de Death Note. On a fait très beaucoup japonais. Ça se voit. Oui. C'est qu'avec l'alcool aussi, c'est... Les mots, ils bougent. Alors, cependant, Obama affirme dans une interview n'être... Le président ? Non. Ah, pardon. Oba. Hein ? Pardon, c'est moi qui ai dit Obama au lieu d'Oba. Cependant, Oba affirme dans une interview qu'il n'est pas passionné par le manga. Cette hypothèse reste donc douteuse, l'hypothèse qu'il serait camouf. Certains ont encore cru que Oba... que Oba cacherait Ryushi Seiryoin, donc c'est un auteur de romans policiers, ou encore l'écrivaine Miyuki Miyabe. Celle-ci a écrit de nombreux romans destinés à la jeunesse sur le thème de la science-fiction et du mystère de l'histoire. Cependant, dans l'état actuel, rien ne permet d'affirmer ou de confirmer ces hypothèses. Peut-être que la véritable identité de Tsugumi Oba sera portée à la connaissance dans un futur. Et en fait, c'était quelqu'un, un gros pervers qui faisait du hentai. Peut-être, mais non, mais ou un scénariste de hentai. Mais... Il y en a beaucoup des scénaristes de hentai. Bah attends, faut imaginer les petites gamines. âge, surtout l'âge. Âge sexuel, ASV. ASV, ouais. Pendant ce temps. Pendant ce temps, on meuble saucisson. Donc, saucisson de la cône, fluet, chorizo. Piment d'Espelette. Avant de vous parler de Takeshi Obata. Ouais. Allez, on sait qui c'est. On sait qui c'est Takeshi Obata. Ah, c'est original. Qui est donc un dessinateur de manga japonais. Qui est né donc le 11 février 1969. À Niigita. Ouais, il y a quand même un peu de... Dans la préfecture de Niigita. C'est très original. Donc il a débuté le manga à l'âge de 16 ans. Avec l'œuvre 500 Kunen no Shinwa. Ça veut dire mythologie à 500 années-lumière. Ouais. Qui avait été récompensé à l'époque par un prix Tezuka. Ah, bien quand même. Il a ensuite encadré. Makoto Niwano. Pour commencer sa première série, Cyborg Jichan J. Donc, j'ai le cyborg vieillard. Donc, sa première œuvre à être adaptée en animé est Ningo Sochi Ayatsuri Sakon. Appelé en France Sakon, le ventriloque. Ça me je ne connais pas. Un truc ventriloque, ça me parle, mais. Et il est connu pour avoir travaillé sur Hikaru no Go. Ah oui. Voilà, une fameuse une histoire assez connue sur le jeu de Go. Là, c'est connu sur le jeu de Go. Et je crois, ça marche plutôt bien en France aussi. Alors, je ne connaissais pas, mais je me tape parce que c'est quand même du Takeshi. Tu te tapes. Mais en même temps, le jeu de Go, j'y pompe que dalle. Oui. Donc c'est un peu compliqué. Non, mais de toute façon, les règles du goût sont très simples, mais c'est l'application qui est... Il a également travaillé sur Blue Dragon, Ral Omega Graal. Blue Dragon, le jeu ? Je les ai ici. Et Blue Dragon, le jeu ? Blue Dragon, pas Blood. Blue Dragon. Ben, Blue Dragon, c'est le jeu avec Akira Toriyama. Je sais pas, mais si, il avait sorti un truc là sur Xbox. Pour te dire qu'un RPG sur Xbox japonais. Si, c'est ça. Ils ont fait une histoire. Les Blue Dragon Ral Omega Graal. Grad. Pourtant, j'en connais des trucs niveau BD manga. Et là, je suis séché. Hein. Et bien sûr, il est connu pour Death Note. Ah bon? Voilà. C'est vrai que c'est un dessinateur un peu... Bon, il dessine tranquille. Oui, tu sens que il dessine bien, quoi. Il tâte du dessin, quoi. Oui. Est-ce que vous connaissez... Ça fait manga, mais pas trop. Est-ce que vous connaissez Nobuhiro Yatsuki, l'auteur de Kenshin le Vagabond? Oui. Eh ben, ça a été son assistant. Oui. Ah, c'était dans ce sens-là? Ah, d'accord. Parce que je pensais que je le voyais plus âgé, l'auteur de Kenshin. Voilà. Alors... Est-ce que ça faisait des Jojo poses? Alors, je vais essayer de te trouver une page. Alors, après, en 2008, il a donc travaillé sur Bakuman. Mmh. Aux côtés de Tsugumi Oba, après avoir travaillé sur... Ah, il est doté très... Ah, il est doté. C'est du beau talent, ouais. Hein. Elle a beau avoir des lunettes, on les voit très bien. Donc, Bakuman, deuxième œuvre du duo, après forcément Death Note. Après duo, tu es obligé d'être magique. Ah, attends, boule magique, non. Non, non. Et en 2009, il a travaillé en tant que chara-design sur Castlevania de Judgment. Bon jeu, mais un peu pété. En 2014, il dessine l'adaptation du light novel All You Need Is Kill, donc que je n'ai pas pris. Putain, mais j'avais oublié. Que je n'ai pas pris avec moi parce que je ne voulais ensuite parler que des œuvres du duo. Ouais, parce que c'est une adaptation. Voilà, parce que c'est une mais adaptation. Mais qui est une adaptation de... Qui est... Bon, après, j'ai pas lu le truc, mais moi j'ai bien aimé. Ah, moi je l'avais lu parce que tu m'avais prêté les tomes et donc je l'ai racheté moi-même en version collector grand format hardcover qui est joli, qui vaut ses 25 balles ou ses 30 balles, mais qui c'était un peu moins, vraiment... je crois que c'était 25 plutôt. Ouais, 25. Ouais. Mais qui les vaut, quoi. C'est une histoire très sympa à lire. T'as du beau matos, quoi. T'as un beau bouquin. T'as du beau matos comme dans l'Intel. Oui. Et donc en décembre 2014, il lance le manga Gakyu Otei avec Enoki Nobuoki. Otei comme le chanteur? Je sais pas. Avec donc Enoki Nobuoki au scénario. Mmh. En novembre 2015, donc le fameux duo magique se reforme pour commencer la série qui est donc toute nouvelle. Ouais. Platinum End. Et pas Platinum Game comme ceux qui font Bayonetta. Et pas Platinum End. Oh, merde. Attends, non, mais on va arrêter de faire la blague à chaque fois. Platinum End, c'est pas ceux qui font Bayonetta. Donc. Je drop les écouteurs pour poser le PC. Hop. Oh. Et maintenant, on improvise, on fait le duo magique. On va improviser sur les œuvres du duo dans l'ordre chronologique. Magique. Du duo magique dans l'ordre chronologique. Donc en commençant par. Death Note. Donc je vais vous lire le synopsis vite fait du tome 1. Quatrième de couverture. Voilà. À Light, un brillant lycéen découvre le carnet d'un dieu de la mort. Tous ceux dont le nom y est inscrit sont condamnés à mourir. Même Patrick Sébastien. Duel Saint-Merci s'engage entre Light, le justicier, et elle, un mystérieux enquêteur. Alors qu'est-ce qu'on peut dire donc de ce manga? C'est très très très très beau. Oui. Et très, très, très verbeux. Ah oui, c'est... Oui. quand tu vois un tome, il paye pas de mine, quoi. Le truc, il est très fin. Oui. Par rapport à... Mais par contre, il te faut deux fois plus de temps pour le lire. C'est ça. Je me rappelle quand j'ai lu... Un peu Black et Mortimer, mais pas pareil, quoi. Ouais, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, putain, c'est hyper lent. T'as des grosses bulles, avec beaucoup de textes. Il y a énormément de textes. Ah, ça sent le scénariste qui est pas trop en carton, quoi. Mmh. Clairement, il y a beaucoup de textes. Black et Mortimer. Et donc, c'est une histoire policière. Surtout. Et de combat idéologique aussi, dans un sens. Puisqu'on a donc d'un côté Light qui va tuer des gens à l'aide de son cahier, qui va affronter Elle, qui est un enquêteur de génie à l'identité mystérieuse. La subtilité, c'est que elle ne tue que des meurtriers. Oui, c'est pour ça le côté idéologique. Voilà. Alors que elle, il y a. Donc il y a forcément la question qui se pose entre être partisan de elle qui tue des meurtriers mais qui du coup est lui-même un meurtrier ou de Light qui veut arrêter elle alors qu'il ne fait que tuer des meurtriers entre guillemets. Bah, c'est l'histoire du bourreau. C'est ça. Et donc va s'engager une lutte sans merci entre ces deux protagonistes qui ont un talent intellectuel monstrueux et qui vont toujours avoir 14 coups d'avance sur l'adversaire. Tu n'avais pas vu venir. En fait, je crois que c'est ça qui m'a un petit peu perdu dans Death Note, c'est que en fait. C'est je savais que tu savais que je savais que tu savais que je savais que tu savais que je savais. Donc, c'est pour ça je t'ai fait le premier truc. Quoi? Après, moi j'ai pas trop lu, mais moi je sais que ça a été une. Dans la vague manga, parce que c'est de quelle année ça? Oh, 2007. Ouais, attends, je vais retrouver l'idée. De toute façon, 2007. 2003 au Japon, 2007 chez nous. Ah putain, ah, c'est bien plus vieux que ce que je pensais là. Ouais, ça a bien été chez nous, hein, le levier de la vague Japon, là, pas début 2000, parce que du coup, fin 2000. Ouais, fin 2000. Ça a été un beau levier, le manga a si bien poussé le truc, hein, surtout, je pense d'ailleurs. L'anime également. L'anime a bien poussé le truc. Je sais que moi, encore 2016, pardon, poussant, je sais que c'est encore bien. Bien dans les mœurs, quoi. Après, moi, c'est pas un manga que je vais recommander pour quelqu'un qui commence la lecture du manga. Ouais, non. C'est un peu les choix au-dessus. Ouais. C'est lourd. À part si vous êtes passionné de romans policiers. Plus de romans, ouais. Si vous aimez beaucoup la littérature policière et que vous êtes intrigué par le manga, à ce moment-là, vous pouvez vous attaquer à Death Note. C'est une bonne porte d'entrée, ouais. Ça peut être une bonne porte d'entrée. Après, il faut prendre conscience que c'est quand même. C'est lourd, quoi, comme pour un manga, c'est très lourd, c'est très dense. Ah, c'est pas très shoujo, hein. Non. Shoujo. Bah, c'est plus, ouais, dans C'est dans la catégorie shonen, mais c'est vraiment du seinen, hein. C'est du seinen à fond. C'est vraiment du seinen. Bah, c'est les catégories de l'époque, hein, souvent. C'est ça. Bah, c'est dark. Oui, là, c'est du darkana. Ouais, c'est du darkana. Donc à l'époque, c'était moins. Le darkana, je crois, du coup, c'est du seinen. Ouais. Ouais. Par contre, au Japon, c'est considéré comme du shonen. Voilà, c'est la différence des catégories entre le Japon et l'Occident. C'est un peu plus. Ils ne catégorisent pas de la même manière. Non, pas du tout. Ouais. Bakuman aussi, je crois, c'est du. En 12 tomes. Ouais. Sans, mais. Ouais, 12 tomes. Histoire finie, donc, forcément. Fini et refini. Oui. Ouais. Parce que l'anime, il n'y a pas eu une sorte d'OAV aussi fini. Si, il y a eu des OAV, il y a eu adaptation live. Il y a eu deux films live qui sont pas terribles. Moi, j'ai vu le premier, j'ai pleuré. J'ai pas vu le deuxième. A priori, le deuxième est un petit peu mieux que le premier, mais enfin, j'ai pas pu. Quand j'ai vu le premier, j'ai fait waouh, non, c'est pas possible. Et il y a une série Netflix. Du quoi c'est ce que j'avais parlé. Une série Netflix. Comment Ouais. Série ou film? Il me semble que j'avais vu les films. Série. Ouais, il me semble que c'est une série. Enfin, en tout cas, il y a du contenu sur Netflix, une adaptation de Death Note qui va arriver sur Netflix, qui est faite par des Américains, mais avec des acteurs japonais, me semble-t-il. Oh, c'est des Américains qui sont nés avec le respect. Je sais pas. Par contre, voilà, je jetterai peut-être un œil à cette série. Je suis intrigué de voir les effets spéciaux, comment est-ce qu'ils vont matérialiser, entre guillemets, les dieux de la mort. Oui, c'est vrai que dans les adaptations live japonaises, c'était vieux. Hein. Ouais, c'était vieux et tu voyais que c'était cracra. Ah, oh, oui. Et puis c'est quelque chose qui tient à l'allégorie aussi, tu sais. Oui, puis après, je sais. Les dieux de la mort, t'es pas forcément obligé de les représenter. Si t'adaptes, tu peux. C'est-à-dire qu'il a. Ils ont quand même un rôle. Un rôle, oui. Ça, je dis pas le contraire. Mais. Tu vois, c'est des mangas comme Death Note, ça tient beaucoup sur l'allégorie, tu vois, du bien, du mal, de savoir comment se positionner sur un. C'est quelque chose limite, de très subtil. Voilà, c'est vrai que là, on est clairement dans la thématique, parce que c'est une personne qui a un pouvoir de dieu de la mort, donc de tuer n'importe qui, juste en inscrivant son nom dans un cahier, et tu dis, t'as tel pouvoir, qu'est-ce que tu fais? T'imagines, non, mais c'est ça. Quand c'est très subtil comme ça, tu peux. C'est le vrai pitch du truc, plus que ce qui a marqué au dos du tome 1. C'est vraiment le pitch du truc, puisque l'histoire, c'est. S'il avait été analphabète. Le dieu de la mort fait exprès de tomber son cahier parce qu'il se fait chier. Il se fait chier dans le monde de la mort. Des dieux de la mort. Du coup, il se dit tiens, je vais balancer mon cahier, voir ce qui se passe. Voilà. T'imagines s'il était tombé sur un analphabète? T'as eu deux pages. Le mec sait pas écrire. Bon, ben, à la poubelle. On aurait niqué le game en 30 secondes. Tu vois comment je t'ai niqué. Je vais les appeler. Moi, je vais l'appeler. Non, nique le game. Pas la peine de parler. Nique le game. Alors, ensuite, Bakuman. Ah, ça, je pense que c'est plus seinen au Japon, tu vois. Et pourtant. Mais plus. Bah, parce non, parce que c'est plus une histoire initiatique quand même. C'est quand même des jeunes garçons qui apprennent la vie. C'est vrai. Enfin, c'est vrai. Qui apprennent la vie. Qui... Alors. Ce n'est pas au niveau des thématiques, mais de. Je vais donc lire la quatrième de couverture. Bienvenue dans les coulisses du hangar. Mashiro possède un don évident pour le dessin. De son côté, Takagi. Ou Takagi, je sais pas comment on dit. Takagi. Takagi. Hein? Je dois prononcer Takagi, moi, pas tout ça. GIF ou GIF? Ouais, c'est ça, GIF. Goga Goldman ou... Gongak Goldman. Goga Goldman ou Jean-Jacques Goldman. Je me désolé des de ce podcast. Donc, Mashiro possède un talent pour le dessin. Takagi est le meilleur élève de sa classe et crée des scénarios. Ensemble, ils vont forcer le dessin, la lente ascension pour réaliser le meilleur manga jamais édité commence. Une aventure passionnante signée par les auteurs de Death Note. C'est-à-dire qu'ils veulent niquer One Piece. Pour moi, ils ont niqué One Piece. Pour moi, Bakuman, c'est le manga qui nique le game, de toute façon. Plus que Pluto ? Je n'ai pas lu Pluto. Tu as honte. C'est dans ma liste des trucs à regarder. Je vais te les piquer. Un de ces quatre, je vais ma te sœur les doit les lire, mais elle les lit à une vitesse... Voilà, il y a combien de tomes plutôt ? Oh, il y en a 6 ou 8. Voilà, oui, je n'ai pour une semaine. Ouais. Mais non, mais c'est sur ma liste de trucs à lire. À partir du moment où tu dépasses le 6ème, si tu as les autres sous la main, c'est impossible que tu t'arrêtes. Je te le dis, comme je les ai lus à l'époque, parce qu'ils sortaient tous les 2 mois. Les doigts. À partir du 6ème, tu te dis, un peu comme à la fin de Game of Thrones, tu te dis, oh putain de merde, où est la suite ? À la fin de l'épisode 10 de Game of Thrones. C'est ça ? Vivement dans un an. Alors je peux pas te dire combien il y a de tomes parce que ça doit être dans la première rangée de ma bibliothèque, donc du coup ils sont cachés. Naoki, mais c'est des choses, c'est quelque chose que je dois dire, je n'ai entendu tellement que de bien et que des trucs comme quoi. Ça fait partie des deux BD qui m'ont fait chialer. Il y a Sayusa et le surfeur d'argent par Mobius. J'adore. Ephéma. Ephéma. Non, moi. Alors, même FMA, si FMA... FMA, top classement de manga, mais number one, Bakuman. Bakuman. Y a pas à discuter. Ah non, mais même déjà, quand on se place déjà par rapport à FMA, quand on voit la qualité d'écriture, la qualité des personnages, rien que secondaire déjà. Mm. C'est impressionnant. La quantité, la qualité des personnages de FMA. Ouais, voilà. Non, et puis c'est pareil, c'est toujours très... c'est les thématiques qui sont abordées. Comme dans Death Note, tu vois. C'est très rapport bien mal, des trucs un peu bateau hein, finalement, mais des trucs qui sont bien écrits quoi. Ouais, puis c'est qu'est-ce que tu fais si t'as un pouvoir en gros. C'est surtout ça, voilà. Mais Superman souvent, trucs comme ça. Mais dans les films de super-héros, c'est souvent ce qu'ils oublient. Hein. Mm. C'est cette nuance, Spider-Man, bah, c'est ça, hein, s'il a des pouvoirs, mais il reste. Ça implique des. Voilà, il implique des responsabilités, mais ça reste toujours le pauvre étudiant qui a une paire de lunettes qui est pas très beau. Pour choper les filles, bah, ça reste toujours compliqué. Pour subvenir à parce que sa tante, elle se saigne un peu aux 80 pour le faire aller faire les études, bah voilà. Après Bakuman, je pense que ça doit traiter un peu des mêmes problèmes, pas forcément des mêmes problématiques, mais des problématiques adjacentes au monde du mangaka où les types travaillent comme qui des... Qui est un monde rude. Oui, et les gars, s'ils ont un jour de repos dans la semaine, c'est bien quoi. S'ils ont une heure de repos dans la semaine, c'est bien. Ouais, moi je sais qu'il y en a certains qui se tuent à la tâche quoi, enfin c'est des professions où les gars... Il y a un arc où il finit à l'hôpital tellement... Oui, bah, parce que du coup ça part... D'ailleurs on en avait parlé avec Iris Zero. Ça rejoint un peu le. Et Bakuman en fait. Iris Zero, dont la publication a repris au Japon. Et je suis mais fou de joie quand j'ai vu cette mystérieuse. Surtout que ça, tu m'avais bien teasé le truc, ça m'a donné envie. Du coup, ouais, Bakuman en fait, ça te montre vraiment l'envers du décor de la publication de manga au Japon. Ouais, vraiment, mais ça te montre vraiment de A à Z et toutes les thématiques. Si on va avoir du coup les jeunes auteurs, les prix, les Tezuka, Trésure, tous les prix qu'il peut y avoir de découverte, peuvent un peu laisser plier le truc, tu vois. Ouais, à force. Et ça te montre vraiment tout en parlant comment ça se passe au niveau éditorial, ouais. comment les auteurs peuvent vivre et dans quel, et quand, dans quelles conditions, parce que quand tu vois que voilà le dessinateur il tombe malade parce qu'il faut qu'il rende les planches vite. Puis c'est pas 3 planches par semaine quoi. Oui, c'est il t'enchaîne. C'est un chapitre par semaine. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Le chapitre c'est quoi, c'est 20 30 pages. Hein. Ouais. Donc après, même si c'est on va dire plutôt romancé, ça va pas. Oui, ça te montre quand même un petit peu. C'est forcément comment... c'est forcément oui. Nuancé. Parce qu'il y a toujours des parties pris, il y a toujours. Oui, voilà. Puis là, ça te montre une, on va dire, une maison d'édition, parce que c'est la Shueisha. Donc du coup, t'as un parti pris directement où, voilà, c'est une maison d'édition qui te montre comment elle gère. Ouais. Et elle va pas tout te montrer non plus. C'est vrai, puisque ils sont édités chez la Shueisha et qu'on te montre la Shueisha. Bon après, la Shueisha, c'est probablement la plus connue et la plus grosse, hein, je pense. Ah, c'est la plus grosse, hein, je pense. Et tu me demandes une maison, enfin moi je te dis Shueisha direct et les autres. Ouais, je connais, j'ai pas les noms. Je connais pas beaucoup d'autres noms en fait. Mais ouais. Du coup, c'est une mise en abîme du manga. C'est ça. C'est ça qui est intelligent avec la même temps. Et c'est presque méta sur la fin. Si vous avez lu un entier, Bakuman. Non, je crois que je suis au 18 ou 16 ou 18 et il y a une vingtaine, une petite vingtaine. Il y a 23, 24. Ah, j'ai la 22, ouais, par... Puisque vers la fin, ils se mettent à écrire une histoire. Alors, je sais plus si c'est de baston marginal ou une histoire marginale de baston. Dans quel sens ils tombent le truc. Mais en gros, ils écrivent une histoire marginale, mais qui reprend les codes du manga shonen de baston. Ouais. Et Bakuman, c'est ça. Oui. Ah, mais c'est marginal. C'est un manga marginal, puisque c'est parti de l'édition du manga. Mais ça reste très shonen. C'est très shonen, avec les codes de la baston du manga, parce que tu as d'autres personnages, d'autres auteurs. Et ils se battent à travers leurs histoires. Oui, voilà, qui voilà, va être le premier au classement. C'est tout le temps ça. Qui va une baston pour être premier au classement. Et du coup, tu te dis, mais en fait, moi, quand j'ai lu que je suis arrivé à la fin, qu'ils commençaient à parler d'écrire une baston marginale et tout, j'ai dit, mais attends, ils vont écrire Death Note en fait ou quoi? Et en fait, non, ils écrivent pas du tout Death Note, mais ils écrivent une histoire qui se rapproche de Platinum End par contre. Ils écrivent une histoire avec une espèce d'ange noir et d'ange blanc. Qui se battent et qui ont donné des pouvoirs à des humains. Oui, donc du coup, ouais, tu vois qu'ils avaient quand même plein d'idées pour retomber. Ils savaient qu'ils avaient terminé Bakuman et qu'ils allaient chercher une autre idée. Et c'est ça qui est fou dans Bakuman, c'est qu'ils écrivent quand même quelques mangas qui marchent plus ou moins bien, qu'ils arrêtent, qu'ils reprennent, qu'ils prennent un suivant. Genre, ils écrivent Tanto, donc c'est l'histoire de Tanto, si je me trompe pas, c'est le petit garçon qui a des inventions de son grand-père et qui est à l'école et que ça pète tout le temps. Oui. Plus du gag, ensuite ouais, qui serait du gag, qui a l'air sympa, que tu te dis, putain, si sortait, ça serait sympa. Après, tu as le manga d'enquête, hein, d'enquête avec les garçons, non, bah, pas au collège ou. Alors, ça, c'est un des derniers qui c'est le Perfect Crime Party, oui, voilà. Qui vraiment a l'air terrible. Et celui-là s'il sortait un jour, tu te dis, putain, mais il est trop bien. Et l'autre que je pensais, c'est Détective Trap. Détective Trap, oui. Qui est, c'est une histoire d'un détective qui fait des pièges, en fait, qui pense à des pièges pour capturer des voleurs, des méchants. D'accord. Ouais. Ça a l'air super. Mais à chaque fois, quand ils en parlent, quand ils écrivent les chapitres et tout, tu te dis... T'as envie de lire. Couvertures qu'il y a, en fait, tu te dis, putain, mais c'est trop, j'ai envie de le lire, en fait, ce manga. Le pire, c'est mais ça, en fait. C'est des thématiques qui existent déjà, en fait. T'as une certaine frustration dans ce truc. Souvent. Et... Oui. Voilà, c'est ça, le pire. Et ce que moi, j'aimais bien aussi, c'est que t'avais une planche. Du manga qu'ils étaient en train d'écrire. Oui. T'avais à chaque fois quand ils faisaient les premières créations et qu'ils lisaient, on va dire, le prochain numéro de la Shueisha qui sortait. Donc c'est le Wiki Shonen Jump. Et donc ils te montraient les numéros, puis ils découvraient en même temps en fait la publication et tu voyais, on va dire, les deux premières pages d'un chapitre et tu disais, mais putain. Et c'est quoi la suite? Ça donne envie parce qu'en fait, t'es en train de lire un manga. Où les personnages sont en train de lire un manga et toi t'as envie de lire le manga qu'ils sont en train de lire en fait. Donc c'est hyper méta, t'as envie de vraiment se connaître. Là c'est méta pour de vrai, tu vois, c'est pas méta pour faire croire que. Mais même les mangas des autres qui ont l'air vraiment très très sympas quoi. Notamment un de ses adversaires qui écrit un manga sur la moto qui a l'air assez ouf. Crow, écrit par Eiji Nuzuma qui est un manga de super-héros avec un corbeau, je crois, du coup. qui a l'air vraiment top. Ah, c'est très, tu vois, il y a que du symbole. C'est, tu vois, c'est très. C'est... Mais toi, après, pour revenir justement là sur la rivalité entre Izuma Izuma, oui. Et eux, Hachiroji, du coup. Ouais, leur nom, c'est Hachiroji. Toi, à un moment, quand Izuma gagne un prix, je veux bien le faire, mais à un moment, je veux une condition, bah, je veux que vous me validez un truc. Ça vous paraît être complètement fou ou n'importe quoi, mais vous, je veux que vous m'autorisez ce petit écart. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais ça se passe comme ça là-bas, c'est très bizarre. Ça. Ouais, mais toi, moi, je me dis, putain, lui, ça va être un con, il va leur mettre des bâtons dans les roues. C'est ça, c'est et puis, en fait. Le chapitre d'après, tu fais, mais non, en fait. Toi, ils sont là pour limite, c'est ils sont là pour s'entraider. C'est ils sont dans la même équipe et justement ils forment un petit collectif. La rivalité qu'il y a entre le collectif d'auteurs. Ouais. Donc Mashiro, ouais. Takagi, t'as Nizuma, tu as le celui avec le bandeau et qui fait le truc de moto. Qui fait le truc de moto. Il y a la fille là, Aoki. Et en fait, ils sont tous rivaux. Et en même temps, ils font avancer la même machine. Et en même temps, tu les aimes tous. Oui, parce qu'ils font avancer la même machine. Parce qu'ils ont un but commun. Et même si ils sont rivaux et c'est vraiment une baston sans merci entre eux. Ils sont rivaux. Ils sont rivaux, ouais. Ce sont des rivales. Ce sont des rivales. Rival school. En fait, ils s'entraident, quoi. Il y a vraiment. Ben c'est ça. Ils ont un but commun, en fait. C'est comme faire avancer un bateau, quoi. Et c'est ça, et dans la période où justement le dessinateur, parce que le nom m'échappe, Mashiro est hospitalisé. Les autres s'inquiètent. Ils viennent tous le voir et ils viennent tous voir l'éditeur pour dire qu'il n'y a pas un problème. Je ne sais plus dans quel contexte, mais qu'ils sont tous là. Donc tu vois qu'ils sont quand même en groupe, même s'ils sont rivaux en fait. Ils se soutiennent mutuellement, ils s'encouragent mutuellement. Ils se mettent des bâtons dans la rue parce que c'est celui qui met celui avec la plus grosse. Voilà. Mais ils sont ensemble. C'est ça que. Non, mais c'est très représentatif de la société en général. En fait, quand tu réfléchis, quand on est tous sur un bateau, il y a un contremaître, il y a un chef des machines, il y a un autre truc, tu vois. Et finalement, toujours, les gens essaient toujours de s'élever par rapport aux autres. Mais si un élément manque, par exemple. Quand t'es menuisier, s'il n'y a pas de bûcheron, t'es comme un con. Et d'après ce que vous dites, parce que moi j'ai pas lu, mais c'est un peu ça, tu vois. Si le magazine, les gens, des fois, ils lisent, il y a certains qui disent ça, qui disent ça. Si des gens, les gens qui. Ce qui leur manque n'y est plus, les ventes chutent. Oui. Et pour les autres aussi, c'est un manque à gagner qui est phénoménal, quoi. Du coup, là, c'est vraiment la partie, on va dire, l'esprit Japon qui est le collectif. Ah mais ça c'est très bouchi, c'est pas très bouchi, c'est pas très ça c'est très collectif, ouais, c'est ça. Mais en même temps, voilà, c'est tout le monde dans la même galère, quoi. Voilà, c'est ça en fait. Tu montres vraiment, c'est centré sur deux personnes. Voilà, mais en même avec temps, leurs histoires, leurs problèmes et tout ce qui peut arriver. Mais en même temps, il y a un filigrane derrière, ils font partie, on va dire, d'un groupe, d'un rouage. Et tu vois ce groupe là aussi évoluer. Mais oui, c'est toujours ce que j'ai senti dans Death Note et Bakuman, toi, mais j'ai pas trop lu. La quantité de personnages secondaires dans Bakuman, entre leurs rivaux auteurs plus leurs copines. Enfin, c'est de la folie. Ouais, les éditeurs, même les éditeurs, quoi. Il y a des éditeurs que t'adores, il y a des éditeurs que t'aimes pas, alors que tu les vois sur trois pages par tome, quoi. Mais t'as bien cerné les personnages et. Et tu sais que ce mec, tu vas l'aimer pendant tout le manga, et celui-là, jusqu'à oublier. Un petit peu moins. Hop. Et maintenant, dernière nouveauté. The dernier. Hop, on dirait qu'il y a un bandeau en bas, mais en fait, non. Oh mon dieu. Ah bah ouais, c'est pour ça que tu dis que c'est dégueulasse. J'avais râlé. Ouais, mais finalement. Voilà, donc parce que j'ai commandé mon volume de Platinum End à la Fnac. J'avais fait exprès de prendre la couverture classique, sauf qu'à la Fnac, ils ont la couverture collector, entre guillemets. Et on t'a refilé un collector. Que je trouvais moins jolie que la couverture classique. Et j'ai râlé parce que je voulais vraiment la couverture normale. Et en fait, elle est réversible. Ah d'accord. Mais du coup, on a changé d'éditeur. Même si c'est rare, mais pour ceux qui n'ont jamais lu de manga, en fait, on va avoir le tome papier et ensuite on va avoir une couverture glacée qui se met par-dessus, une genre de pochette de protection qui se met par-dessus. C'est très bon. Avec des rabats. Voilà. Donc du coup, on a plutôt l'habitude d'avoir des hardcovers. Mais même sur les mangas, tu vas avoir la couverture, mais que imprimée d'un seul côté en fait. Ouais. T'as vraiment que la couverture et l'intérieur, on va dire, c'est tout blanc. Alors que là, du coup, justement, t'as la couverture qui est réversible. Voilà, la couverture réversible avec un côté la collector, de l'autre côté la classique. C'est vrai que la classique est quand même un peu plus de. Alors, c'est-à-dire que la couverture classique met vraiment en avant le personnage principal, alors que la collector, elle met vraiment en retrait de manière très sombre avec l'ange qui l'accompagne vraiment en avant. Hop, donc Platinum End, hop, la quatrième de couverture. Donc Mirai, un jeune homme qui a perdu tout espoir. Le Mirai qu'on va à Toulouse. Ouais. Ou comme Mirai des X. Mickey. Ah oui, c'est vrai. Ou comme Mirai Mickey. Hein. Ou Mirai Mathieu. Mirai Mathieu. Mirai Mickey, oui, pareil. Donc c'est un jeune homme qui a perdu tout espoir dans la vie, il décide de se suicider en se jetant du haut d'un building. Mais juste avant qu'il ne touche le sol, un ange nommé Nase le rattrape au vol et lui sauve la vie. Elle lui offre alors la possibilité d'obtenir le puissant pouvoir, promesse d'une vie meilleure, mais en acceptant, Mirai découvre qu'il participe désormais à une compétition mortelle. Mirai Mickey. Donc ça se transforme en Battle Royale. Mirai Mickey Mouse. On mélange tout. Mikey. Ouhou. Enfin, on se met tout. Oh. Donc celui-là, du coup, vous l'avez pas lu, vous? Non, pas du tout. Ah, bah, je vous encourage à le lire. Ouais, mais non, mais moi j'ai tellement de trucs à la bourre que. Enfin, on va arrêter là-dessus parce que. Si tu veux, j'ai commencé à le lire. Ouais. Et puis j'ai dû un chapitre. Il y a trois chapitres, je crois, dans le tome. Ah, c'est quand même. Voilà, ouais. c'est un peu dense. Il y a trois chapitres. J'ai lu un chapitre, deux chapitres, je suis arrivé au troisième. Je fais. Est-ce que je le lis maintenant ou est-ce que je le garde pour demain? J'ai dit, bon, je vais le garder pour demain histoire de pas l'avoir grillé à une fois le manga. Parce qu'il est génialissime, encore une fois, quoi. C'est... Non, le duo magique reste toujours magique. Mais, enfin, je sais pas, regarde les dessins, quoi. Mmh. Non, mais les dessins, ouais. Je suis sûr à 100% que c'était libre. De toute façon, ouais, tu regardes juste à partir de Death Note, et le... En fait, il a pas changé de design. Non, pas vraiment. Le style est reconnaissable, voilà. Tu le reconnais. Parce que souvent, dans le manga, c'est ça le problème. Le style est pas souvent reconnaissable. Alors que là... Chez les gros... Que le style est reconnaissable. Bah, là, c'est un gros, parce que tu prends n'importe quel tome. Bah, tu sais que c'est lui. Tu sais que c'est lui. Même sur, du coup, sur Blue Dragon. Ah oui, mais fin. Tu reconnais le dessin. Tu reconnais. Même Castlevania Judgment, quoi. Tu prends la jaquette du jeu, tu te dis, bon, mais c'est lui. Tu peux pas te dire, c'est du Toriyama ou du je sais pas qui. Quoi. Le dessin est d'une qualité assez folle. Voilà pourquoi je suis amoureux. Non, mais je crois que c'est l'un des mangaka qui a l'un des plus beaux. Enfin, même c'est l'un des dessinateurs au monde qui a l'un des traits les plus beaux, les plus reconnaissables, les plus. C'est juste impressionnant. Quoi. Enfin, vraiment. Ouais, quand tu vois. Je sais pas, la coiffure du mec, quoi. Ouais, et puis en termes de proportion et tout, c'est juste dingue. Quoi. C'est juste après, souvent, du coup, il y a quand même des assistants, mais tu prends n'importe quelle page de n'importe quel tome qu'il a pu dessiner. Là, c'est d'une richesse impressionnante. Oui, et c'est toujours la même chose. Tu vas pas avoir une case qui va être moins bonne que les autres. Oui. Toi, tu vois ce que je veux dire? Oui. Sur les One Piece, souvent, tu as un petit, on va dire, un petit gribouillis parce que c'est en vue hyper loin ou les personnages en quatrième plan. Ils font ça souvent pour gagner du temps. Tu sais, mais là, c'est vrai avec que... des arrière-plans dégueulasses. Voilà, histoire de remplir un peu une case sur deux. Sur Death Note ou Bakuman, j'ai jamais eu cette impression-là, en fait. Tu as toujours la qualité. Oui, voilà, c'est toujours plein. Et c'est toujours de la même qualité tout le temps, en fait. Ça, c'est rare. Ça, c'est rare. Parce que des gros artistes, même comme Jack Kirby, pour du comics, moi, j'ai vu des crayonnés, ils s'emmerdaient vraiment pas. Enfin, vraiment, tu disais que l'encreur derrière, il y a un chien, mais... Oui, pour attraper le boulot derrière. Ah, il y a un chien, mais pépite, quoi. Et pourtant, c'était des artistes qui sont, en termes de renommée, je pense que les mettre en haut du panier, c'est pas assez gentil pour eux. Là, c'est vrai que les trucs comme Bakuman, Death Note, c'est quand même dessiné, même en franco-belge où on aime le dessin très travaillé, on est quand même au-dessus, quoi. Alors, c'est vrai que Platinum End, ça a l'air d'être... Platinum. Platinum, pardon. Platinum. toi, particularité de je suis bourré, c'est pas ma faute. De Platinum End, c'est que il sort également un animé aussi, un scan. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont simultané avec le Japon, mais de manière officielle. Donc sur le site de Kazé. En version numérique. Attends, en digital ou en numérique? En numérique. Digital, c'est avec des doigts, monsieur. Donc du coup, c'est la version papier. Si c'est digital. La version papier est une version digitale. Ouais, oui, c'est vrai. Je suis bourré, je comprends pas. Donc c'est une première pour le duo, entre guillemets. C'est un truc qui est pas vraiment courant. Personnellement, je. Mais c'est un système qui se fait vachement courir par contre, maintenant. Personnellement, je préfère avoir le papier, le manga physique entre les doigts. J'ai très peu lu de scantrad ou de scan. C'est vrai qu'on n'est pas des pays où c'est très répandu. Enfin, on va dire que déjà que la BD franco-belge a pas pris le tournant là-dessus, parce que déjà en termes de format, on était déjà des formats au-dessus que le format tablette, donc déjà ça induit des réductions. Et les expérimentations dans ce genre, déjà, ils vont encore sur le papier quand on voit des. Comment ça s'appelle, Last Man ou Media Entity ou Media Entity, voilà, on en a déjà parlé. On reste encore quand même sur du papier, sur ce genre de truc. Ici, nous, encore les Européens, surtout en France, on a encore quand même ce rapport à l'objet. Voilà, qui est quand même. Même si de plus en plus tu vois des tablettes. Oui, non, mais ça, mais les choses après, dans le après sens, le découpage, en fait, je pense que le problème du numérique, enfin, en tout cas pour on va dire la BD au sens large, comics, manga, franco-belge, etc. C'est le format. On te montre une page scannée. C'est ta page que tu as en physique, mais sur ton écran, donc c'est scanné. Donc déjà, t'as pas grand intérêt. Déjà, si tu induis le problème que certains ont de faire des doubles pages. Déjà, tu niques la moitié du truc. C'est vrai. Oui. Ah. C'est vrai que pour ce qui est. Parce que là, du coup, en fait. Surtout qu'en franco-belge, j'aime bien faire ce genre de truc, tu sais. Oui, c'est ça. En fait, pour faire un mini débat sur le numérique versus le physique. Sur la BD, le numérique, en fait, ils pensent pas quand ils créent leurs œuvres que ça peut être adapté au numérique, où ça va être là vraiment, c'est plus les mêmes règles, la même codification de lecture. Ça va être du page, soit c'est une page entière, c'est soit c'est la demi-page, soit c'est un truc c'est tout ça. Pourri, ou quand t'as des doubles pages, soit t'affiches la double page, mais du coup c'est tout pourri, t'es obligé de zoomer. Dessus, mais je crois que je sais plus dans quoi j'ai entendu, ou justement au Japon, sur la publication numérique, c'était case par case. J'ai vu. Même si c'est le scan de ta page, t'as ta case en entier. C'est déjà... un peu comme le. Comme un peu ce que faisait Balak, donc le. Oui, ce qui a fait le Turbo Media. Turbo Media, voilà, merci. Ouais, mais ça c'est pareil, c'est un problème que. Je me rappelle plus que trop. Je voulais dire, mais c'est un problème. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je voulais en parler sur mon blog. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai problème de support. Oui. Bah, après, quand tu vas sur Netflix, par exemple, sur Netflix, tu as tous les épisodes d'affilée. Oui, mais ça, c'est plus le même problème de support. Là, c'est sur Netflix. Je sais pas ce que tu veux dire, mais sur Netflix, c'est t'as tous les épisodes d'un coup. On te propose tout le contenu d'un coup. C'est ça, voilà. C'est et du support. Coup, mais quel est l'intérêt de l'épisodique en fait? Après, c'est ça, c'est toi en fait qui gères comment tu veux consommer. Comment là, c'est plus la consommation plutôt que le format. Que là, sur la BD numérique, c'est plus vraiment un problème de format. De format lui-même, voilà. Ouais. Mais ça, c'est un problème que j'ai voulu souvent parler. C'est après, ouais, le terme de consommation, soit tu vas consommer tes chapitres. Chapitre par chapitre, voilà. Chapitre par chapitre au fur et à mesure qu'ils sortent un scan, soit tu vas consommer un tome tous les 3 mois. C'est ça. En termes d'intensité, en termes de découpage, qu'est-ce que ça induit? On peut faire le même parallèle sur les comics. Mais avant, c'était les arcs, c'était en, on va dire, 2-3 chapitres. Oui, donc avant qu'ils passent au format 22 pages, tu avais un peu plus de pages. Mais c'est ça. Alors que maintenant, ils réfléchissent plus à la publication, on va dire, de relier en arc cover, où c'est des chapitres. T'as, dans l'arc cover, tu as 4. 6 chapitres. 6 chapitres. Où du coup, en fait, leur arc, c'est forcément formaté en 6 chapitres. Comme ça, tu prends un tome, t'as l'arc en entier, et tu peux passer au suivant. Ouais, et du coup, tu réfléchis pas à ton. Tu réfléchis pas à ton arc de la même façon. La construction n'est pas du tout la même, du coup. Ouais, tu vas pas faire un cliffhanger en plein milieu, puis chapitre 3, c'est réglé. Ouais. Après. Non, mais après, j'imagine que vu que. ça a été pensé, enfin, ils avaient prévu de faire la publication scan au Japon. Voilà. À la base. Ça s'était réfléchi. Ils ont, ouais. Voilà, ça a été réfléchi. Mmh. Donc, je pense que ça a aussi influencé la manière dont est construit les. Oui. Les après, quand je dis les GDR, c'est pas des Mickey. Mmh. Parce que si je prends par exemple les Your Lie in April, ouais, que je suis en train de lire également, c'est plus un tome. Tu ne peux absolument pas les regarder en scan. C'est impossible parce que le découpage n'est pas du tout fait de la même façon. Ouais. Tu as la moitié des pages dont les bulles sont une page entière. C'est-à-dire que tu as les. D'accord, on prend du temps pour la narration. C'est-à-dire que tu as la page de gauche, donc la page, ouais, que tu lis en premier, la bulle, elle s'arrête après la séparation, après le milieu, oui, en fait. Elle dépasse en fait la. Voilà. D'accord, on prend du temps pour la narration. Des pages où t'as des bulles qui font une page entière et de l'autre côté qui font deux tiers de page. Mais ça se fait beaucoup, ça a du temps pour la scan. Oui, non. Tu casses tout en fait, tu comprends absolument rien. Oui, le rythme n'est pas du tout le même. Bah, tu veux pas comprendre parce que si t'as. Mais du coup, ça tape sur le tiers de page, si t'as une bulle, bah, tu vas la rater puisque tu l'auras sur ton scan d'après. Et du coup, tu vas absolument pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais ça, c'est une histoire de découpage. Moi, c'est des problématiques que j'ai toujours voulu parler. Parce qu'on parle maintenant de passage au numérique, tout ça. Mais on perd l'intérêt du. On perd cette réflexion qu'on a sur le support. Mm. Quand je parle des doubles pages, pour moi, le double page, c'est le pinacle, oui, pour moi du. C'est le truc. Comment ils appellent ça? C'est la. Mais pour moi, au cinéma, c'est l'impression. La splash page. C'est ça. Voilà, t'as une page, t'en prends plein, hein, bah, comme sur la page que je vous ai montré tout à l'heure de. Oui, voilà, c'est ça. C'est le. T'as une pleine page, ouais, qui te permet de te dire, bon, là, il se passe, voilà, quelque chose. C'est limite, ça, justement, t'as les pleines pages, les doubles pages. Ouais. C'est fait pour justement, c'est les money shots des bandes annonces de cinéma, c'est voilà. C'est un peu ça. Plein, voilà, la gueule. Et c'est là qu'on voit la différence par rapport au cinéma ou à d'autres supports, tu vois. On peut se permettre des trucs qu'on peut pas ailleurs. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et c'est des problématiques souvent qu'on oublie parce que souvent on fait des web comics qu'on essaie d'adapter sur du papier. En termes de narration, c'est pas fouillé. Non, parce que c'est, du coup, c'est pas construit de la même façon, en fait. Voilà, c'est pas construit de la même façon, mais en même temps, c'est plat. Ouais, c'est plat, voilà. Vu que à la base, c'est pensé pour du webcomics, quand tu le mets sur une feuille, c'est plat. Tu dois manquer un truc. Mais c'est là ça, que voilà. Je pense justement sur Media Entity où ils ont bien travaillé, parce qu'ils travaillent deux versions. Ouais. T'as la version web, où là, t'as du turbo média, tu cliques. Ouais, et t'as la version, on va dire, physique, papier. Bah, mais la vidéo, ouais, vachement qu'elle retravaille, elle fait travailler. Et il retravaille justement parce que c'est pas le même format, c'est pas le même là, support, bon, là, t'as pas le même rythme de lecture sur ta page que sur ton clip. Sur Media Entity, tu peux avoir un intérêt à voir en même temps la BD numérique, puis lire l'autre. Si tu fais juste un bête copier-coller, que tu prends ta page que tu as numérisée, ça n'a aucun intérêt, proche de même pas zéro. Ah bah non, l'intérêt t'as négatif. Aucun intérêt. T'as aucun intérêt, et en plus, tu perds une grosse partie en fait de l'intérêt du papier parce que ton média à la base était pensé pour du web et tu n'as pas pensé aux problématiques du papier. Quand tu le mets sur papier, tu te rends compte que c'est plat. C'est là que tu te rends compte que voilà, ça, tu vois qu'au Japon, ça progresse pas mal parce que moi j'ai vu pas mal lire sur ce genre de support. Mmh. Après, je les ai vus plus jouer. Que lire du manga, tout ça. Mais je sais qu'en Corée, j'ai des échos comme quoi ce genre de passage au web est même pas fréquent. C'est la norme maintenant. Oui, de toute façon, c'est devenu le. Par là que les éditeurs passent maintenant. C'est plus le papier. Bah, sens, va, de plus en plus, on va, ça va. Vu le prix du papier. Bah, oui, ça, en fait, c'est plus une raison économique. Même malheureusement, si, c'est. Après, en France, bah, c'est du coup. En France, on aime l'objet, de toute façon. Déjà, on a toujours été. Ah ouais, moi, j'ai vraiment une affection particulière pour avoir l'objet physique. En France, on fait des tirages de tête, on fait des trucs exceptionnels. Après, je vous conseille l'écoute du podcast Plan B. Qui date de au moins 3 mois, parce que j'ai 3 mois de retard, justement, où leur débat, c'est le numérique versus le physique. Où justement, ils prennent chaque catégorie, donc les romans, la BD, les jeux vidéo, la musique, et ils font un débat, ils ont chacun leur point de vue sur la en fait, c'est vraiment ça, le débat, c'est la dématérialisation. Donc ils exposent vraiment les bienfaits de chaque on va dire catégorie. Chaque catégorie, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est souvent l'intérêt du numérique, c'est qu'on a accès plus facilement à des choses. C'est ça. Et tu peux le transporter. C'est ça. Le souci du numérique, c'est que du coup, tu n'as pas l'impact physique. Mm. Quand je dis impact, c'est pas vraiment ce mot-là. Tu n'as pas l'impact physique chez toi. C'est-à-dire que si c'est le problème des Humble Bundle, par exemple. On a au taquet de jeu, on en joue à voire zéro. On les achète pour se faire souvent plaisir. Oui, parce que moi, je parle de mon cas. Moi, je les achète pour me faire plaisir. Parce que plaisir. C'est à bas prix et grand pour le plaisir. À bas prix. Voilà. Et du coup, comme tu as un impact physique qui est proche du néant, hein, parce que une copie unique physique ne coûte rien finalement, en fait, que tu multiplies par des échelles exponentielles. Du coup, c'est ça le problème, quoi, en fait. C'est que en ayant un impact négatif, tu te dis, tu n'as pas le réflexe de savoir, tu te dis bon quand même, faudrait que je le fasse. Mm. Comme quand tu as l'allée du jardin qui est un peu branlante, tu te dis bon quand même, faudrait que je comble avec un coup de pelle. Ou je te dis bon, peut-être un jour, faudrait que je la goudronne, même si c'est tout bout un prix fou. Tu te dis pas ce genre de truc, tu te dis bon, ça traîne dans un coin. Mm. De toute façon, ça me coûte rien, quoi. Du coup, tu as pas le même rythme de consommation. Avec Netflix, c'est pareil. Dans mon article, j'en avais parlé. Sur Netflix, en fait, il te suffit de faire t'asseoir au fond du canapé et tu vas lire à la suite. Voilà, et si tu te laisses faire, tu. Ouais. Justement, ce qu'il disait dans Plan B, c'est que en fait, t'as pas. Et c'était déjà vu. C'est pas les mêmes notions, en fait. Moi, ouais, c'est ça. Le support physique, on va dire, t'es propriétaire. T'en fais ce que tu veux, tu peux faire l'occasion. Ouais. Si tu veux faire l'épisode avec. Ouais, le dématérialisé. C'est une licence d'utilisation. C'est ça. Exactement. Si un jour le service tombe, ferme, tu es comme un con. Tu perds ton bien. Voilà. Sauf si on va prendre par exemple l'exemple de GOG, où justement c'est du dématérialisé, mais tu télécharges l'installeur. Donc tu l'as, c'est à toi de stocker. En gros, tu stockes tes données. Ouais. Alors que sur Steam, voilà, justement, c'est juste une bibliothèque. Tu ajoutes sur à ta Steam, bibliothèque. Exactement, c'est une bibliothèque. Quoi. Si un jour, mais de toute façon, la seule chose que tu peux télécharger, c'est l'installeur depuis Steam. Oui. Voilà. Dans tous les cas, mais c'est un problème qui se pose trop souvent. Moi, c'est tout. Mais c'est pour ça que c'est un problème qui se pose moins sur les romans où c'est du linéaire, quoi. Bah, tu n'as pas de vis-à-vis, tu n'as pas de. Je pense pas que sur le roman, que ça soit du physique ou du. Mais c'est ça, du numérique, t'as pas les mêmes problématiques. Non, ouais. Tu n'as pas. Enfin, il n'y a pas vraiment de problématique au final. Bah, moi, par exemple. T'as juste la problématique de retourner de poche et fait de tombe, en fait. Le problème, c'est ça, en fait, c'est le rythme de. On va dire, je vais appeler ça le rythme de lecture. Parce que c'est pas le même support, donc. T'as pas la même chose. Je crois que c'est dans le. One Night Club qui parlait justement d'une BD numérique où en fait tu glisses et la construction en fait c'est un bandeau que tu déroules comme les rouleaux de lecture japonais. C'est la BD qu'ils avaient parlé dans No Life, non, Marita, Oui, ça me dit quelque chose. Ça doit être le fil ou la ligne ou C'est une BD tout en voilà, scrolling et tu scrolles. Mais par contre, quand tu scrolles, en fait, vu que c'est du. C'est du scrolling parallax. Voilà, c'est du numérique. Ouais. À certains points clés, en fait, bah, t'as un déclenchement de musique. D'accord. Donc, du coup, tu sais que dès que t'arrives à une certaine position, en fait, tu vas avoir une ambiance en plus qui va arriver. Pas mal, ouais. Mais après, du mais coup. Mais ça, c'est si l'intérêt numérique, tu vois. Voilà, voilà. Si tu veux retranscrire ça en physique. Hein. Mais il y a certaines qui BD légitimes. Voilà, certains auteurs sur No Life, alors c'était, alors c'est une BD sur un village, je sais plus ce que c'est. C'est un village qui est tu sais, un peu genre Springfield, tu vois, genre les Simpsons. Ouais. Tu vois, c'est un village dans les États-Unis, c'est vraiment le village, on sait pas où il est, mais il est type, tu vois, des États-Unis. Et il avait fait une expérience, du coup, vraiment, alors je sais plus si c'est Trans ou Grosse Média, j'ai plus le nom en tête. Parce que Trans, c'est quand tu déclines un truc, mais cross, je crois que c'est quand même plusieurs supports différents. Tu le penses global. Oui. Et du coup, comme il avait un groupe et tout, il avait pensé son truc comme à ce chapitre 1 de la BD, il faut écouter ceci, cela, un truc un peu plus global. Oui, en fait, le cross-média, en fait, c'est un tout, mais décliné sur plusieurs médias. Voilà, un peu comme Dofus, on va dire, presque. Même si ça n'a pas été forcément réfléchi comme ça à la base, mais c'est ce qu'il faut. Dofus ou Noob. Oui, voilà. Où on essaie d'augmenter selon le support, on adapte au. Voilà. On prend la meilleure qualité, on va dire, du support voilà, pour en faire quelque chose de plus C'est pareil, voilà, dans la BD, il y a moins de rythme, parce que c'est 15 par 15. Mais on peut se permettre, je peux faire, si je veux faire un vaisseau spatial de 17 000 mètres, ben ça coûte rien. Ça coûte c'est... rien. Ça coûte un dessin. Voilà. Ça coûte un dessin. Voilà. Si je veux le faire en effet spéciaux, je m'étrangle. Parce que, autant te dire, le temps que je le fasse, je peux me couper 4 burnes. C'est-à-dire qu'elles ont le temps de repousser. Mais en même temps, voilà. Dans le. Tu peux faire. Dans le cinéma ou la web série, hein, tu peux favoriser le jeu d'acteur, tu peux favoriser le vis-à-vis, tu peux favoriser. Ouais, plus le... la narration que, on va dire, le. Bah, c'est peut-être une connerie et ça va faire. Non, mais je vois ce que tu veux dire c'est... par narration. C'est plus le. Le côté contenu, rapidité, ouais. L'histoire. C'est ça, voilà. Que le visuel, le, on va dire, l'impact. Tu peux faire, en cinéma, tu peux faire, ouais, tu peux faire du tac au tac, quoi. Tu peux te permettre de faire du répondant, un BD. Ça passe moins bien. Bah, un exemple con, je repense à ça, mais dans les films de la trilogie Cornetto, donc de Edgar Wright, dans, par exemple Shaun of the Dead, le truc simple, la scène où Shaun fait ses lacets, tire la chasse, prend un manteau sur le porte-manteau. Les montages cut. Ouais, voilà, montage cut où t'as deux secondes, même pas deux secondes, t'as une seconde d'un truc, mais c'est hyper rythmique. Et c'est très iconique en plus. Voilà. En BD, tu retrouves pas ça, parce que tu peux pas, c'est ton temps de lecture, tu vas, c'est toi, ça, tu vas si, t'arrêter sur... Si tu restes sur... 5 secondes sur la case où il tire oui, la chasse, c'est ça, c'est ça le problème tu la perds BD. Le rythme. Ouais, c'est ça le problème avec la BD, tu subis pas le rythme de... Tu, voilà. peux pas influencer le rythme de visualisation du lecteur. Ouais. Dans la BD, si le gars il a envie de regarder comment ils sont fait les lacets, comme mon père, tu sais, mon père, il est très, très graphique. Hein. Il s'arrête très... Il rate comment c'est fait les cas, il s'arrête... Moi je suis un peu plus. Voilà. C'est pour ça, un peu plus à l'ancienne. Ah bah toi t'as 3 cartons de lecture de retard aussi. Oui, voilà. 3 cartons en plus, 3 cartons d'as quoi. Oui, et en plus c'est ça, mais en fait. Donc, c'est oui, de... rigole, j'ai plus entendu sur la BD, mais ça vaut pour le cinéma et tout. Mais ça vaut pour tout. Hein. Vaut t'as pour plusieurs tout. Niveaux de lecture. Ah oui. Parce que tu fais pas attention. En fait. Tu vas lire une première fois, tu vas plus t'attacher à l'histoire parce que t'as envie de découvrir. Et la deuxième fois, tu vas connaître l'histoire et tu vas plus t'attacher voilà, au détail du dessin. C'est ça. Mm. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec une conférence qu'il y a eu à MP3 in Paris, où je sais pas si vous l'avez écouté, peut-être que vous l'avez passé, je sais pas, où il parlait des ancêtres de genre de Dungeon & Buck. Oui, oui, l'ancêtre du saga MP3 n'est pas du don, le donjon de Blast. C'est ça. Oui, parler. Ah, celle que tu nous avais envoyée, mais je l'ai pas écouté. Alors, ça dure à peu près une heure, à peu près, je crois. Je sais pas. Enfin, comme c'est un plugin un peu pourrave, là. Mais ça s'est assez écouté, franchement, c'est super intéressant. Et il parle un peu de cette problématique aussi. Il parle des trucs d'Orson Welles, où les gens ont cru, waouh, c'est vraiment envahir tout ça, tu sais. Et du coup, ça parle de cette problématique de, ah oui, ben, du média. À lui-même. Que, du coup, la radio, on peut pas faire du. Pas faire du cinéma parce que bah, forcément c'est un moment visuel, du coup, on est obligé d'exagérer certains traits comme les bruits de marche, tout ça. Il parle des bruiteurs, tout ça, et du coup, ça revient à peu près à la même problématique que du coup qu'on a dans le manga en sortant cette sortie digitale. Et moi, je pense que de toute façon, numérique, tu vas t'en prendre, toi. Ah mon dieu, on va me choper. Digital, bon. Fais-le avec un accent anglais. Ouais, bah, digital. Alors, il y a Alès qui va venir, attention, ah, mon cul, oh mon anu. Et non, mais ce genre d'expérience, après j'ai vu qu'ils avaient sorti les deux quasiment simultanés. Ils avaient sorti quoi ça, genre Noir Vang, la version numérique. Et qu'ils essayaient de travailler dans ce sens. Je ne sais pas à quel rythme sortent les chapitres, je pense que C'est dur un de par mois, vu qu'il n'y en a que trois. Je pense que après, c'est des artistes un par aussi mois qui peuvent se permettre aussi. Ils vont de... sortir un tome tous les trois mois. Ouais. Après, c'est des artistes qui se permettent aussi de. Voilà. Oui, de diluer. Bah, Tu fais Death Note, tu fais Bakuman. Ouais, on va dire déjà que juste avec Death Note, je pense qu'ils sont bien, bien assis au niveau. Ouais, tu peux rouler ta bosse, quoi. T'as du vécu, quoi. C'est pas, après, Albert Uderzo, on peut pas lui demander de. Après, comme je vous l'avais dit en intro, Tsugumi Oba, donc on sait pas trop où il sort, on sait pas qui c'est un mec un peu mystérieux. Mais Takeshi Obata, il sort pas de nulle part. Le mec, il a déjà fait Hikaru no Go déjà. Il a mis tout le monde d'accord avec Hikaru no Go, a priori. Je l'ai pas lu. C'est vrai que pour un jeu de Go, c'est vrai que quand même on aurait pu. Voilà. Mais déjà, quand tu te dis putain, c'est un succès, c'est un manga sur le jeu de Go, fait putain. Mec, il a réussi à faire un succès, un carton ouf. Et qui marche à l'étranger. Oui, ça en fait. C'est que et ça qui marche à l'étranger. En dehors du Japon. Ouais. Sur le jeu de Go, putain, il y a qui jouent au jeu de Go dans le monde. Il y a 3 personnes en France qui jouent au jeu de Go. Mais tu te rends compte, c'est Florent Gorge qui a sorti un bouquet. Non, mais Florent Gorge a sorti un bouquin dessus, mais je me suis dit, mais il va faire 3 ventes dessus. Alors qu'il s'est fait chier à faire un truc avec la Fédération Française du Go, je vais l'acheter le bouquin parce que ça m'intéresse. Oui. Parce que moi, les échecs, tout ça, ça m'intéresse. Après, justement, je pense que en parlant du jeu de Go, c'est un truc porteur parce que ça intéresse. C'est un truc, on va dire. Et puis, c'est très japonais en plus. Ouais, c'est un niche très japonais, très, on va dire, confiné, mais que ça. Et puis, ça respecte en plus cette idéologie japonaise, tu vois. Au Japon. Un produit est accepté comme bien à partir du moment où on voit pas la patte de l'artisan qui a fait dessus. Et le go, tu vois, c'est des petits galets blancs et noirs. Là, de suite, c'est très dans l'imaginaire japonais. C'est ah ouais, on n'a pas vu qu'un artisan avait travaillé dessus. Les types, ils sont comme des fous, tu vois. Non, mais on rigole, mais. Alors que le mec a passé 150 heures à faire un galet, quoi. À tailler les galets. À tailler un putain de galet, quoi. Surtout s'il est parti sur une grosse manche. Non, mais c'est très japonais, c'est très bushido. L'esprit du guerrier. Et donc voilà, je suis ravi de la digression qu'on a eue. Ah bah oui, c'est vrai. Parce que je pensais pas qu'on allait faire aussi long sur mon dossier. Mais... Et c'est pas fini, hein, on revient. Hein. Et c'est pas fini. Donc je ne peux que vous encourager à lire. Les œuvres de ce duo magique Takeshi Obata, Tsugumi Oba, donc Death Note, Bakuman et Platinum End. Ouais. Death Note, si vous n'êtes pas trop manga, il va falloir s'accrocher. Bakuman, ça se lit tout seul, c'est magique. Platinum End, il n'y a qu'un tome pour l'instant, c'est vraiment super. À voir la suite. Et après, du coup, Death Note, c'est chez Kana. Bakuman, Kana aussi. Platinum End qui est passé chez Kaze. N'hésitez pas également à jeter un coup d'œil à leurs œuvres parallèles, entre guillemets. Je suis pas sûr que Tsugumi Oba ait fait grand chose à côté, puisque c'est un peu mystérieux. Takeshi Obata a fait d'autres œuvres en tant que dessinateur avec d'autres auteurs, notamment Blue Dragon. Que j'ai là, en coffret, 4 tomes chez Kana. Voilà, Hikaru no Go, dont on a parlé, et bien sûr, All You Need Is Kill, qui est. Une tuerie, pour faire un jeu de mots à la con. Deux tomes. En deux tomes, ou un tome version collector, 25€. C'est un peu rare, je joue. C'est chez qui, par contre? Je crois que c'est chez Kana. Je crois que c'est toujours chez Kana. Moi, c'est Kaze. Hein. Moi, je sais que du Kaze. C'est déjà chez Kaze. Kaze ou Kana. All You Need Is Kill. Si vous connaissez le film Edge of Tomorrow, c'est assez différent, mais ça c'est différent du roman aussi. Ça s'inspire justement avec Tom Cruise. Du roman. Avec Tom Cruise, exactement. Donc à la base, c'est un light novel, c'est-à-dire un roman qui s'appelle All You Need Is Kill, qui est japonais, qui a été adapté en manga sous le nom de All You Need Is Kill, et à peu près à la même période qui avait été adapté en film sous le nom de Edge of Tomorrow, qui est donc plutôt pas mal, avec Tom Cruise, que je n'ai pas vu. Mais je sais qu'il y a une différence dans le film, c'est qu'il a une épée, alors que dans le manga il a une hache. Une hache. Après, l'histoire, elle n'est pas très très compliquée, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose qui change d'autre. Oui, puis après ça va être plus, on va dire, de l'adaptation au support. Ouais. On en revient toujours. Après, je n'ai pas lu le light novel, je n'ai lu que le manga 2 fois. Et probablement, je lirai probablement une troisième fois, mais là tu vois, j'ai feuilleté Bakuman, ça y est, je vais relire Bakuman. Mais c'est ça qui est bien. En fait, ça, moi j'ai arrêté Bakuman parce que en fait, je me suis lassé du support en général de manga. Mais ça c'est souvent, c'est très. T'as une histoire comme ça où en fait j'ai acheté. En fait, je crois que j'ai acheté le 18e, je ne les ai pas lus. Mais c'est pas, il y a une période où j'achetais et qu'au final j'ai pas lu et que du coup, en fait, vu que j'ai pas lu, j'ai pas racheté la suite. Ouais, mais sauf que moi j'achète pas la suite. Hein? Alors que moi j'achète parce que je me dis peut-être qu'un jour dans la vie. Oui, t'auras le temps, mais non, moi j'ai déjà des trucs que je dois acheter, que je lis déjà, que je prends du retard à lire. Toi, par exemple, je les lirai moi, mais. Les revues Arg, toi qui s'est arrêté il y a 2 mois. Arg, toujours pas là, je suis toujours au 3e. Non, mais 2 mois de retard, c'est pas grave. Surtout, info, Arg revient en août. Oui, j'ai vu, j'ai vu que t'avais linké. Ça, j'ai pas vu. Enfin, encore, non, c'est déjà, c'est tant mieux. Mais après, on n'a pas d'autres infos sur le format ni rien, mais. Non, mais c'est bien qu'ils insistent, mais c'est vrai que des fois, c'est pas trop quoi. Bah, surtout que là, bref, voilà. Voilà. Et puis, si vous n'êtes pas fan du support manga papier, vous pouvez également regarder les animés. Donc l'anime de Death Note qui est connu et reconnu. Connu et reconnu, qui est vraiment correct, qui est assez fidèle à l'histoire originale. Il y a deux, trois trucs qui changent, mais c'est vraiment, vraiment infime. Ouais. Et l'anime de Bakuman qui est vraiment excellent, où il manque, allez, on va dire, il doit manquer trois arcs, qui sont des arcs assez secondaires au final. Et l'anime est en deux saisons d'une vingtaine d'épisodes, qui est vraiment un délice qui se laisse regarder tout seul si vous n'avez pas peur. Des sous-titres et de la VO. Oui. Okay. Voilà. Je crois que Bakuman se trouve pas en français, mais il se trouve en Blu-ray, je crois. Ça a été dit. Je sais pas. En Blu-ray, ouais, mais en français, si, ça va se trouver quand même. Peut-être, je l'avais vu à l'époque sur Hinata Online, donc Neko-san. Non. C'est peut-être chez Kazé, donc. Mais je sais pas s'il existe un coffret manga, un coffret Blu-ray. DVD Blu-ray. Si c'est le cas, jetez-vous dessus, c'est vraiment pas une perte d'argent. Non mais j'ai du mal du temps, j'ai du mal à lire les trucs que j'achète, mais ça je sais que ça fait partie des trucs, un jour je me bouge le cul quoi. Bakuman is number one in my kokoro, Doki Doki in my kokoro pour Bakuman. C'est quand même bien fait. Donc maintenant on va passer au, je pense c'est le quiz, c'est ça? Oui, c'est le quiz de la vie. Moi, je suis bourré, j'en peux plus. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. Je sais pas si un jour ton jingle, je m'en remettrai. Petit point bière, tu as fini ta bière. Ah, j'ai fini ma bière, j'ai fini mon whisky là. Ah merde. En même temps, Moi j'ai presque fini ma bière. Moi je suis à je sais pas où. Je peux dire qu'elle est vraiment très très sain. Ah ouais? Parce que pour une bière à 8,5. T'es pas bien là? Eh ben elle me passe toute seule, tu la sens pas du tout. Moi je suis dans pas bien. Et pour ça elle tabasse a priori, mais tu le sens pas. Moi je suis dans pas bien. Je crois qu'au moment où c'est là que des podcasters connus mais pas connus, je crois mieux de m'approcher. Le moment où elle va m'arriver au cerveau, ça va faire mal. Moi je pense que Moi je pense que des podcasters c'est le moment où vous auriez pu être là et faire des choses et en profiter. Si je me serais aperçu, mais le lendemain j'aurais fait. C'est bizarre, j'ai du mal à marcher. Donc du coup moi c'est un petit quiz que j'ai un petit peu préparé, on va dire vite fait, il y a très longtemps. Oh là là. Je voulais remettre le nez dedans, puis finalement je vois, c'est bon, ça va faire. Et quand je vois qu'on est déjà à 1h20. Putain, on a fait 1h20, je suis content. Bizarre. Je pensais tenir 20 minutes. On a bien digressé. Donc mon quiz c'est. Genre de l'heure, je pleure. C'est quoi? Ça va pas, c'est crème. D'accord. Donc, non, c'est pas le titre de. Mon titre, c'est Façon Buzz. Oh, Façon Buzz. Voilà. Ou Quiz, ce qu'il va vivre. Est extraordinaire. Oh putain, il m'a piqué mon concept du quiz que j'essaie de faire depuis 3 ans. Attends, j'ai utilisé un truc, je m'en rappelle même pas. Qu'est-ce que t'as dit? C'est façon quiz. Ouais. Façon quiz. Façon buzz. Ouais. Ou ce qui va vivre est extraordinaire. C'est ce que j'essaie de faire. Tu sais que c'est le quiz que j'essaie de faire depuis la fois d'avant? Ah ouais? Le jeu du clickbait. Le quiz où tu t'annonces des trucs, le numéro 10 va vous étonner. Voilà, c'est exactement ça. En fait, ça parle d'un... Mais où tu dois trouver des titres de jeux vidéo. D'un article de Golden Moustache, pardon. Ouais. Des frères, non, du frère. Des cracks. Non, pas des cracks. Méniel. Oui, plutôt. Oui. Où il reprenait justement des films, mais façon article putassier, putaclic de BuzzFeed ou voilà. Donc par exemple, donc ça c'est l'exemple que je vais prendre, c'est vraiment tiré de son article. D'accord. Donc vous allez trouver tout de suite. Il achète 2 droïdes d'occasion. Ce qui se passe ensuite est extraordinaire. Oui, Star Wars. Voilà, Star Wars. Donc, ça arrête dans ce thème-là. Et l'article date de longtemps, parce que moi, je voulais le rechercher, et il date de 2014. Hein, donc, Ah oui, quand même. Moi, je pensais que ça faisait 2 ans, un an à peu près, mais quand j'ai recherché ensuite, ah ouais, 2014, ça date. Ça prouve que c'est un teasing pour le prochain après-enregistrement. J'espère d'ici là avoir fini mon quiz du clickbait qui se trouve sur ce concept là où je vous ferai deviner des titres de manga et de jeux vidéo. T'es trop moderne. Alors, moi du coup j'ai mélangé un peu de tout. Donc il y a surtout du manga, un peu de film et c'est tout. Je crois qu'il doit y avoir un jeu et il n'y a pas de musique. Donc, si je vous dis, une fille passe par le toit de son taxi, la suite est encore plus folle. Le cinquième élément. Yeah. Non. Bah, le cinquième aliment. Ah oui, le cinquième aliment, mais c'est non, pour faire la choucroute. Banal. Quel rapport avec la choucroute? Mais c'est dans leur sketch, c'est le cinquième aliment pour faire la choucroute. D'accord. Il manquait, je crois, les saucisses ou. C'est le sketch de quoi? C'est un sketch français de Jean Reno. Je sais que le duo des Noirs et je sais plus quoi. Ensuite, donc c'était bien le cinquième élément, donc c'est je me rappelle plus du nom, mais c'est un truc de coucher dehors que dont Mila Jovovich et Bruce Willis et Bruce Sifidis sur un film de Luc Besson, ouais. Un chef-d'œuvre du cinéma, et donc bien, là, Bruce Benhamram arrive à prononcer le nom du cinquième élément, donc de... Ah oui, putain, oui. Jovovich, oh, c'est Lila, Lou, Bachata, Tekala, Opap. Notez que des auteurs de BD français ont participé activement au character design et tout ça. Donc on fait... Bravo. Avec le fameux... Faut que ce soit green, ok. C'est vrai. C'est vrai. Je sais plus comment il s'appelle, hein. Rudy. Ouais. Je sais plus. C'est le noir, non? Le chanteur, le présentateur avec la banane. Présentateur avec la banane, hey, noir gay. Oui. Gay. En... Qu'as-tu quand on est gay? En costume c'est... de panthère. Ou de... C'est extrêmement... C'est vrai que c'est très gay friendly. Donc du coup, deuxième... Donc je vous donne pas d'indice parce que c'est quand même des trucs assez faciles. Ouais. Évident. Ouais. Il joue avec son frère dans le sous-sol. Ce qu'ils vivent ensuite est fantastique. C'est un film porno. Attends, il joue avec son frère dans le sous-sol. E.T. Non, il non mais là je vois pas. Ah si, moi aussi. Quand tu vas me le dire, je vais faire. Ah bah oui. Waouh. Un film. Alors je peux te dire qu'on en a parlé aujourd'hui. On en a parlé la dernière fois qu'on a enregistré. C'est vrai. Et on en a parlé. Il y a un épisode qui fait pleurer. Je disais, moi je suis trop whisky là. Ah, c'est une série. C'est une série. Il joue avec son frère dans le sous-sol de sa maison. Putain. C'est pas Sled, non. Oh putain, oui, Full Metal Alchemist. Mais oui. Oh, mais oui, putain, mais oui. Et tu sais que je l'ai dans mon quiz en plus, celui-là. Top 10 des expériences à ne surtout pas rapporter chez vous. La 10e va vous surprendre. Bah voilà, ce qui se passe ensuite est fantastique. Non, mais tu peux le virer. Parce que dire, du coup. Est-ce que c'est deux frères qui s'amusent ou deux frères qui s'amusent? Ah non, là, c'est. Il joue avec son frère dans le sous-sol. Oh bah il peut jouer avec son frère. Ouais, mais... Ce qu'ils vivent ensuite est fantastique. Oh bah tu sais quand ça sort, ouais, c'est extraordinaire. C'est ça dépend pour qui. Oh. Ah si, c'est quand même fantastique. Oh, c'est la fontaine de jouvence. Alors du coup, oh, putain, on change c'est de thème. On change. Top 20 des choses qui arrivent quand on rate l'avion. La 6ème va vous étonner. Le moment où j'ai raté l'avion. Oui. Moi j'allais lire le truc avec. Comment ça s'appelle déjà bon, le pilote est dans le. Non merde. Y a-t-il un pilote pour sauver la reine? Oui voilà. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ouais. Ensuite. Avec Leslie. Nelson. C'est ça qu'il a fait des films un peu nanars. Bah non, fait, c'est britannique. Hein. C'est britannique, ça, mais ils c'est sont pas tous du tout nanars. Ouais. C'est juste. Ils sont tous comme ça, c'est l'humour, britannique. Et les Airdis sont quand même un peu. Peu tendancieux quand même, mais ils sont pas top, oui. Quoi. Bon, après, c'est... après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on grandisse et que ça nous fasse plus trop rire. Il y a des trucs comme ça quand oui. Tu vois. Bon, après, il y a des films qui sont un peu lourdeaux. Hein. Bah, tu sais, les Monty Python, c'est toujours aussi vieux, ça nous fait toujours rire. Oui. Et puis, c'est très. Mais finalement, c'est plus fin que ce qu'on en penserait. Ouais. Bah, c'est pareil, là, on enregistre. Et il y a quelques jours, il y a Mr. Mean qui est passé à la télé. Ah, mais c'est, enfin, c'est toujours c'est... aussi fin, moi, je ça crois. Ça hier ou avant-hier. Et mais c'est mais on, le film on, je l'ai regardé et t'as des trucs mais tu fais mais en fait tu as réfléchis c'est pas drôle mais quand tu le regardes tu fais putain mais tu peux pas t'empêcher de rire en fait. Oui mais la différence c'est que les films de Nelson de Leslie Nelson sont très premier degré, c'est dans le gag alors que Mr Bean c'est vraiment dans l'attitude de Rowan Atkinson et dans son jeu d'acteur qui est enfin, extraordinaire et tellement faible. Surtout c'est là la différence qu'il y a. Le jeu d'acteur, il fait toujours effet. Alors oui. Que les gags... Oui, d'un moment ça. En fait, c'est ça le problème. Du gag que du jeu d'acteur. Si t'es vraiment à fond dedans, tu vas forcément rigoler parce que justement t'es pris dedans. Tu vois que c'est pour l'acteur, pour le personnage dans le film, tu vois que c'est sincère. Oui, c'est ça. Mais c'est souvent encore une fois c'est le problème du support. Je vais pas y revenir dessus pendant mille fois. Quand tu regardes un film de Charlie Chaplin, ça peut toujours te faire rire parce que c'est toujours des situations à l'époque qui ont été vécues comme pas universelles mais presque. Alors que quand tu regardes le film Deadpool, hashtag prout. À qui ça en fait rire dans mes temps, hashtag prout. Les gens se rendent pas compte. Même Game of Thrones, on se dit, aujourd'hui, c'est super subversif et tout. Ah, c'est un phénomène de mode. Hein. Voilà. Dans 20 ans, s'il faut, on en rira comme on n'en peut plus. Quoi. On dira, ils étaient cons à l'époque. C'était nul, on voit juste un sein, ils sont à poil. Ouais, oh là là, il y a du cul. Oui. On sait qu'il y a du cul. Il y a Emilia Clarke, on sera tous comme ça. Devant. Non, elle se fait sodomiser, on sait qu'il y a du cul. Ouais, on sera tous devant Emilia Clarke comme ça, tout encore là. Attends, je vais aux toilettes. Je vais chercher un mouchoir, je reviens. Alors, du coup, ça va être un petit peu plus difficile, je pense. Je sais que j'ai mal à la bite. Il se réveille toujours au moment de la diffusion d'une annonce à la radio. Ah, mais ça, c'est le film bien. Avec. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est qui avec Robin Williams. Robin. Non, celui de. Non, Murphy, non, Ghostbuster. Oui, Murphy. Non. Oh putain, j'ai oublié son nom. Ah non. Putain, on est vraiment trop sous, quoi. Et il joue dans The Millennium. Mais oui, mais c'est celui. C'est pas Ghostbuster. Il est pas dans Bienvenue à Zombieland aussi. Mais si, si c'est ça. Celui qui vont dans, ils vont dans sa villa. Si, mais ça, c'est pas. Non merde. Oui, Bill Murray, non. Bill Murray, putain, voilà. Putain, c'est celui qui... avec la... Et tu sais comment je me suis rappelé Tu sais comment avec je me suis rappelé qui dit mais c'est qui Bill Murray. Tu sais comment je me suis rappelé. Je me suis rappelé du tennis fan. Andy Murray. C'est pour te Andy prouver. Murray, c'est son nom, mais c'est pas son prénom. Voilà, voilà. Murray. Oui, il y a Murray, du coup. Il se réveille toujours avec la radio qui dit « Salut les campeurs et haut les cœurs, sortez dehors, couvrez-vous dehors parce que ça caille. » Ah ouais, non, mais ce film est exceptionnel. Et c'est une révolution. C'est quoi déjà la musique? Ouf, ou putain, j'ai oublié. Je sais plus. En fait, j'ai vu une fois et il y a très très longtemps, mais je l'ai jamais vu. Ça a été The Revolution. Je l'ai jamais vu ce film. Un très facile. Il se fait mordre par une araignée. Sa vie est totalement transformée. Brocco aussi, Freddy. C'est pas Deadpool ? Non. Pourtant, il me semblait qu'il y avait un costume rouge. Ah non, mais ça, c'est pour cacher les taches de sang. Ah. C'est pour ça que les ennemis sont en pantalon marron. Tu vois, ça c'est une blague du film, ça fait drôle. Voilà, et ça c'est une vraie blague drôle. Genre, oui, c'est pas hashtag route quoi. C'est méta. C'est à lui, il a un pantalon marron, il sait pourquoi. Est-ce que ça c'est drôle. Pas l'homme araignée ou Spider-Man. L'homme araignée c'est à Monaco. Ouais. Ah merde. Et les méta aussi, pour la réflexion. Il décide de suivre 14 personnes. C'est le début d'un voyage surprenant. Bon, c'est pas le Seigneur des Anneaux parce qu'ils sont moins de 14. Non, le Seigneur des Anneaux, ils sont 9 ou 10. Ah ouais, c'est pas ça. Ils sont 9. Ah merde. Ouais. 14, putain, c'est beaucoup. Ouais. Il décide de suivre 14 personnes. Ça, c'est quand même un mini quoi. C'est pas Blanche-Neige. C'est le début d'un voyage surprenant. À la place de surprenant, j'aurais pu mettre autre chose. Putain, c'est Bilbo le Hobbit. Mais oui. Ah. Un voyage inattendu. Mais oui. Ah bah oui. Ah, ils sont 14. Ils sont 13 nains et Gandalf. Et si tu veux, Bilbo il était là chez lui, il se branlait. Puis d'un coup les gars sont arrivés. Qu'est-ce que c'est que ce fuck? Laissez-moi finir. C'est quoi ce bordel? Il était là en train de se branler. Vous pouvez pas me laisser finir un petit peu là, Gandalf et tout ça? Parce que Gandalf 81 branlette, bien évidemment. Explicite. Après 1h20, 1h, ah putain, 1h30. Ça fait déjà dégueu. Oui. Il se réveille après un long coma. La suite va vous effrayer. Après un long coma. Putain, Matrix, c'est ton nom. Ouais, Matrix. Non, c'est pas ça. Non. Un long coma. Ça aurait pu. C'est pas vraiment un coma. Non, c'est le coma, premier degré. C'est le coma au sens propre. Ça. Ouais. Il se réveille après un coma. Qui, Bill? Non. Non. Il. Ouais, pardon. Je vais vous donner un indice, mais vous allez trouver tout de suite. Mais je vous laisse quand même un petit peu réfléchir. D'accord. Bah oui. Le désannusage. Bah, non. Pardon. Non, c'est quand même un quiz facile, mais hein, faut quand même un petit peu la chercher. La pub au champ. La pub au champ. Ouais, où le mec il se réveille, il sait plus rien. Non. Putain, mais. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, j'ai mal à la tête. C'est pas au champ, c'est Carrefour. Il est en train de tuer le game. Non, là. C'est la pub au champ. Il est en train de se gueuler, je suis en train de dégueuler par terre, j'en peux plus. Donc, il se réveille après un long coma. La suite va vous effrayer. Non, Phantom, quand on Phantom, non, c'est pas ça. Ouais, le sixième sens. Non, non. Non, je vois pas, franchement. Vous voyez pas ? Je vous donne l'indice. Non, si vous effrayez, c'est un film qui fait peur, quelque chose comme ça. Saut, so, je vous donne l'indice. Ouais. C'est une série. Merde. Dead Zone ? Non. Ouais, mais les séries, moi, je ça fait pas effrayer Dead Zone. C'est très très bon, moi. C'est vrai, bon, Twin Peaks, non. Non. Je sais pas le délire. Ah putain, je pensais que vous allez trouver facilement, mais. American Horror Story. Non. Donc c'est une série qui fait peur a priori. Oui. Et c'est le Cosby Show parce qu'il a violé des femmes. Non. Nope. Ah, c'est très quoi. C'est très contemporain. Ah, tu sais, je suis pas très série moi déjà. Déjà pour lire les mangas que j'achète déjà, c'est le cas. Du coup, c'est une série, mais pas que télévisuelle. C'est passé au cinéma ? Non. C'est passé en série audio. Non. En audio ? Une série de livres. C'est une... littéraire. L'autre côté. Terre Lee. C'est qui ce monsieur Lee derrière. Tu littérature. Oh. Comment ça, drôle. Je lis littérature. Je m'en vais, je me désolidarise de ce podcast, cette blague était trop drôle. Oh. Ah, alors, avant d'être une série ouais. contemporaine, enfin contemporaine qui est diffusée. Ouais. Actuellement, enfin actuellement. Actuellement, putain. Elle n'est pas diffusée maintenant, mais. Récente. Mais récente. Donc. Non, je vais dire la garde des mondes. Avant d'être une série, Heroes. C'était une. BD américaine. Archie, Mystère et compagnie. Je fais que je cherche un truc avec un. Je sais pas, Largo Winch. Non mais l'argot c'est français. C'est français, ça fait pas effrayer. Enfin un petit peu mais. Parce que c'est un peu rigide les graphismes. Ça, ça fait pas peur et il est pas dans le coma. Parce qu'il a de l'argent gars. Merde alors. Franchement, vu mon état, c'est pas possible que je trouve. Mais vraiment. Si. Et quand tu vas me tout dire, tu vas faire je vais faire. Je peux vous dire que le dessinateur a changé après le premier ou le deuxième tome français. Walking Dead. Tu dis quoi? Walking Dead. Eh ben non. Walking Dead. Ah. Parce que c'est on est passé de Charlie à non. Charlie à Abad à non on a celui qui faisait Fear Agent. Je ne connais absolument pas ce Walking Dead. Bill, je ne savais pas qu'il y avait une histoire de coma. Ah ouais. Donc. Bah en fait si le donc ouais, c'est vrai. Rick. Je sais pas le protagoniste principal sort du coma. Se réveille sort du coma. Et il y a des zombies. Et il y a plein de zombies dans l'hôpital. Ok. C'est très japonais. Je savais pas. Et les premiers étaient faits par Bill. Bill Cosby. Non. Les premiers, les tomes. Ouais, les premiers tomes. Mais celui qui a repris Deadpool. Ils sont par là-bas. Ouais, celui qui a repris Deadpool. Et qui a fait Fear Agent surtout. Chez Akileos, dont un est Albi. Je me branle pas. C'est l'argent. L'argent des abonnés. C'est l'argent des auditeurs. Qu'on n'a pas, on touche qu'on a pas. Pas. C'est-à-dire que si on peut s'acheter une bière avec l'argent des auditeurs, ce sera vraiment exceptionnel. La liste des 24 choses à faire avant de mourir, vous devez absolument faire la 17ème. Alors c'est comme Hercule, mais pas pareil. C'est-à-dire que Hercule t'encule. Alors un truc avec 24 choses. Ouais, le 24 est important. Ah oui, et le 17 peut-être aussi, je sais. Est-ce que c'est un truc de Noël tout. Est-ce que c'est un truc de Noël. Non, le 17 c'était pour faire façon buzz. C'était random. Voilà. Et le 24 est important. Le 24 est-ce que c'est un truc de Noël. Pas du tout. Je voyais, je sais pas bon. Les 24, le 24e élément. C'est-à-dire que c'est énorme. Mais le 24 est bon. Ouais. C'est parce que c'est Bruce et Phyllis. Il a les couilles comme un. Non, je vois 24, pas, un truc avec 24. Ouais, et avant de mourir aussi est important. 24 heures chrono. Non. Arnaud Sliders. Ça, j'avais envie de le dire. Mais il n'y a aucun rapport. C'est ce que j'avais envie de lire. Je t'aurais dit, ils voyagent de monde en monde. Et ils trouvent leur fin que vraiment qu'après que tout le monde soit mort 10 fois, alors qu'ils sont retournés à leur planète d'origine, sauf que la barrière ne grinçait pas. Oui, c'est vrai, putain. Et, oui. Et du coup, ils se barrent ou je sais pas quoi. Putain. Bah, du coup, ils ont un autre. Mais je crois que cette série finit pas, non? C'est comme Code Quantum en fait. Ils disent à la fin, non, mais finalement. Je sais plus. Quand, pas, c'est Code Quantum, la fin, c'est. En fait, il n'y a pas de fin. Enfin, si, ça reboucle, en fait. C'est ça. Enfin, du coup, on vous a spoilé Code Quantum. Donc, on est sur de la série ou. La liste des, 24 choses à faire avant de mourir. Vous devez absolument faire la 17ème. Enfin, vous devez faire absolument la 17ème, c'est juste pour faire façon buzz. Ouais, ça, je me doute. Mais la liste des 24 choses. Des 24 choses à faire avant de mourir. On est sur une série ou un manga, non? Sur un manga plutôt. Un manga? Ouais. Ma connaissance des mangas n'est pas assez. One Piece, Naruto. Je peux t'aider en disant que. Death Note? Bah, ouais, c'est. Death Note, c'est tenu par un. Éditeur? Non. Ah, le Blue Dragon? Non. Non, c'est tenu par qui le Death Note normalement? Shinigami? Ouais. Et donc, Shin Megami Tensei. En japonais, c'est. C'est Shinei. Shinei. Shimed. J'avais plus Iki, mais. Shimed. Shimed, c'est celle qu'on est femme ou on est kékette. C'est super bon. J'imagine. C'est Iki quelque chose. Iki Tunsen? Non. Iki Tunsen. Iki Tunsen? C'est pas. C'est juste un truc avec des madames avec des gros boobs et Iki Tunsen. Et je cite, on sait jamais. Oui, mais c'est pour ça que je l'ai dit aussi. Nous, je sais pas pourquoi les grossesses, ça nous attire. On a l'œil. Je sais pas, moi quand je vois une jaquette de manette d'anime. Dès qu'on voit des gros yeux, des gros yeux. Oh, bah, je voulais mettre dans ma liste de trucs à voir. Mais déjà, nous, des grossesses normales, l'animal, ça joue pas. Alors, on est des gros. Valkyrie Drive, au final, c'était pourri, mais. C'est vrai, putain. C'est pas terrible. Alors, en France, ça peut. Je prendrais le jeu pour rigoler. En France, ça a été premièrement édité chez Asuka. Avant que ça soit du coup repris par Kazé. C'est la même maison en fait. Oui. Exactement. Oh là là, ce truc du dinosaure qu'on est en train de me parler. Dire que j'ai commencé les. Et ça commence par chez Iki. Ikigami. Ouais. Attends, préavis de mort. Ikigami. Attends, mais c'est vrai. J'ai sorti enfin, ça, mais. C'est absolument ce que c'est. Enfin, notre joke là, je saute dans la fenêtre. En fait, le pitch de Ikigami, c'est que dans une société, on va dire plutôt contemporaine, mais un petit peu utopique. Futuriste, ouais, utopique, en fait, ils ont une loi pour la prospérité, je sais plus quoi. Et en fait, une personne sur 1000. Se fait injecter lorsqu'il arrive, on va dire, au CP. Ah, le truc, aux 24 ans, il meurt. Voilà, et à 24 putain, heures, ça. Non, en fait, il meurt à 20 ans et il le sait 24 heures avant. Ouais, ou 48 heures avant. 40 ou 20, oui, je crois que c'est 24 heures, justement, c'est pour ça que j'ai mis le 24. Putain, c'est ça. Et du coup, bah, on suit l'histoire du héros qui donne le préavis de mort, donc l'Ikigami, à la personne. Et à chaque fois, c'est des petites histoires. Et à chaque personne, c'est des trucs différents, donc il y a des personnes qui vont se venger, qui. Enfin, à chaque fois, c'est toujours des personnes plutôt atypiques. C'est pas le truc, bah voilà, je vais mourir tranquillement auprès de ma famille. T'as toujours une petite histoire. Ouais. D'accord. Un twist. Voilà, un twist. Twist again. Alors là, si tu trouves pas. Je meurs. Mais je suis près de la fenêtre. Ouais. Tu vas forcément trouver. Ah ! Sur ma voiture. Il achète une maquette de bateau dans une foire à tout en Belgique. Cet achat va le faire voyager jusqu'au bout du monde. Mais dis donc, ce serait pas les salauds de Boulinsard? Pas du tout. C'est un Tintin. Tintin et le secret de la licorne. Et le secret de la licorne. Attention, c'est en deux tomes. Oui, c'est justement. Le secret de la licorne. L'achat du bateau. De la cambrouche. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. De la mais là, c'est juste Tintin que je voulais vous faire découvrir. Tintin et Milou. Même moi, je l'avais. Pour que ça soit simple. Celui-là, je l'avais. C'est bon, la fenêtre s'est éloignée. Ouais. Alors là, je pense que c'est un petit peu difficile. Elle se pique avec un rouet. Ce qui se passe ensuite va transformer sa vie. Ben, c'est pas Cendrillon. C'est la Belle au Bois Dormant. La Belle au Bois Dormant. Non, c'est vrai. Facile. Sainte du Fjord ou la Belle au cul dormant. Ouais. C'est la Belle au Bois Dormant qui se pique. Le bout du doigt. Moi, je préfère Sainte du Fjord. Là, je pense que vous allez trouver avec la deuxième partie. il décroche un billet pour l'Amérique. Sa journée va tomber à l'eau. Je veux l'avoir et je l'aurai. Non. Ah, l'Amérique, merde. Sa journée va tomber à l'eau. Bah, Titanic. Oui. C'était tellement basique que même moi, je n'arrivais pas. Là aussi, je pense que vous allez trouver. J'espère parce que. Et je n'ai pas vu Titanic. C'est vrai ? Oui, non, mais après. Moi, j'étais obligé de me le taper, moi. Et je n'ai jamais vu Titanic. C'est un truc plus ou moins connu, quoi. C'est dans l'inconscience. Collectif. Je sais qu'il joue aux cartes au début. Et qu'après, oui, il prend le bateau. Et c'est comme ça qu'il gagne son billet de, pour l'Amérique. Et putain, il n'y a vraiment pas de bol. Hein. Ouais. Top 15 des objets de survie. Ce qu'il fait avec un ballon va vous épater. Ah, c'est Man vs Wide. Là-haut. Non. Ce qu'il fait avec un ballon, Olivier Tom. Non. Qui est le survivant? Non. Rocco chez Decathlon. Oh, non. Ça aurait été drôle pour toi. Ce qu'il fait avec un ballon. Un ballon de type Strike. Un ballon, voilà. Ouais. D'accord. Robinson Crusoe. Non. Le film avec Tom Hanks. Oui, Salomonde. Salomonde. Oh. J'allais vous donner l'indice, les cassos. Les caca et les cassos. J'ai eu l'éclair de génie justement avec les cassos par rapport au ballon. On dit bravo. Ah, c'est ça, c'est. On dit bravo. Mais je pense qu'on est un peu perturbé, nous. Vu notre taux d'alcoolémie, on va être perturbé encore quelques temps. Hein. Moi, ça va. Ah ouais ? Moi, je suis commence à être. Non, moi, ça va. C'est le whisky descendu. Je suis prêt à attaquer le troisième. Ah, t'es bien. Le troisième verre de whisky. Ouais. Bon, pour le troisième épisode. Cette lampe à huile va lui faire découvrir l'amour. Aladdin. Oui. Aladdin. Aladdin et Aladdin. Aladdin 2. Trop cool. Game over. Et vivement Aladdin 3. Tu sais, tu l'entends ton twist, ton quiz. Et pourtant, j'en ai moins de 10 hein, quand même. Ah, on est vraiment con. Bien sûr, il y en avait 9 là, dans mon quiz. Hein. Ah, putain, on est vraiment dans la merde. Hein. Mon quiz, il y aura plus longtemps. Là. Enfin, quoi que. C'est bon, oui. je peux y aller, puis après on va encore dire que ça dure 3 plombes. Hein, on peut digresser. Bon. Digresser. Ce chapeau de paille le suit partout. C'est une part. Oui. Tu es en train de réfléchir. Oui, c'est ça. Je suis vraiment bourré. Le petit Andy ne sait pas ce qui se passe dans sa chambre en son absence. Toy Story. Oui. Andy. Qu'est-ce qu'il t'a mis sur Andy. Je pensais que c'était un film porno au début. Alors là. Si vous trouvez, vous êtes fort. Chapeau lastico, Mireille l'abeille. Les rires, T'as pas fini ta bière en plus. C'est dramatique. T'es sûr que tu vas bien? Non mais en fait c'est parce que je fais la liaison avec le mot d'après avant. What? Les 8 raisons de ne pas faire monter un chasseur de primes dans sa calèche. Oh, bien joué, The Mighty Eight. Les 8 salopards. Les 8 salopards. C'est ça. Au revoir, allez, toujours en BO. L'avant-dernier. le coup de pouce ne passait pas. And it was at this moment that it knew he fucked up. C'est le même de Night Gag. Donc, avant-dernier. Oh putain. Les très bonnes raisons de fuir une situation. Les 13 bonnes raisons de fuir une situation. Celui-là, je l'ai pas. Alors, 13 est important. Oui, je me doute. Et fuir aussi. Les 13 aliments. Non. Le Hobbit. Non. Parce qu'ils font que fuir dans le premier. Les 12 commandements. C'est vrai qu'ils font. Non, ils vont à un endroit, ils fuient pas. Ah ouais, mais. je crois que la réplique la plus utilisée, c'est fuyez par Gandalf. Non, mais ça c'est. Gandalf, ça devrait, on vous dit celui-là. Tu veux résumer le Hobbit 1 hein. Fuyez Gandalf. Alors, comment c'est. Restez. Restez, les petits. Mais restez. Alors, 13 et fuir. Ouais. Est-ce que c'est 13 la série 13. Ou 13 la série? Non, c'est 13 le nombre. Ah, d'accord. Eh ben 13. Hein. Non. Non. C'est pas une BD. C'est pas la BD. Une BD qui était finie, mais finalement, on a décidé de continuer. Ah bon? Parce que. Fallait rapporter des sous. Alors, en vous aidant, c'est une série. Ouais. Télévisée. Mmh. Qu'on connaît tous. qu'on a quasiment tous regardé. Caméléon. Non. Je colle au siège. Non, c'est pas le nom de la série. qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le sentinelle. Qui va pas vous donner tout de suite. Le clown. Rick Hunter. Non, c'est actuellement en pause. Ah, mais nommé pour de vrai? Oui. Ah, enfin, c'est une pause de. Entre intersaison, on va dire. Ah. X-Files? Non. Game of Thrones? Non. Non, c'est pas Game of Thrones. Ouais, Game of Thrones, de toute façon, ça aurait été il s'encule et. Et il coupe la tête. Voilà. Sauf que moi, c'est. Avec ma vie, ça aurait été il s'encule. Le nombre de morts de cette série va vous surprendre. Je sais pas, je. Le manège enchanté? qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bonne nuit les petits. Non, c'est très connu dans un pays et un petit peu connu dans le reste du monde. Dans le reste du monde, et c'est, on va dire, assez plutôt bien connu chez nous, même si c'est pas trop connu. Bon, c'est pas Stargate parce que c'est fini. C'est assez bien connu, même si c'est pas trop connu. Voilà. Non, c'est connu des aficionados. Voilà, c'est ça. C'est connu Docteur des... U. Voilà, c'est Docteur Wu. Oh, putain, oui, très d'accord. Oui. Voilà. Il y a fuir. Moi, j'aurais pu dire courir, mais... Le pire, c'est que c'est une série que j'ai arrêtée parce que les fans m'ont gonflé, quoi. Enfin, faut quand même dire la vérité. Et du coup, est-ce qu'il y a une saison cette année ou pas? Cette année, non, justement. Ah bon? Non. Mais c'est pour de vrai? Oui, ils reprennent avec la dernière de Moffat l'année prochaine. Ah, mais c'est vraiment sa dernière. Je pense qu'il avait arrêté, là. Non, non, c'est... Mais pourtant, ils ont déjà annoncé la prochaine campagne. Oui, mais c'est, justement, c'est pour cette dernière saison série, de Moffat. Ils vont. Donc cette année ils font Sherlock. Peut-être. Oui, techniquement c'est ça. Je crois que c'est ça. Hein. C'est pour faire Sherlock qu'ils font pas Doctor Who cette année. Ouais. Ouais, il a fini Doctor Strange. Donc moi, je pensais que c'était pour parce que justement il devait finir, on va dire, son cycle. Que. Mais moi j'aime bien quand il y a des pauses dans des séries comme ça permet aux fans qui sont pas vraiment fans de se barrer, faire autre chose. Tu sais les fans en carton là. Les bref. Et donc la dernière, vous avez forcément trouvé. Vas-y balance. Les 10 choses à faire avec un ado, la 3 va vous étonner. Avec un ado? L'enculé. L'enculé vénère. Qu'est-ce que tu crois? Un petit ado là? Ah, ses petits boutons? Non, ouais. Rick et Morty. Bon. Ils s'enculent. C'est quoi le rapport? Mais je sais pas, il est ado. Non? Il est ado. Non, un ado. Un ado, ah. Ah oui, pas un ado. Ah, mais avec un ado, si on l'encule hein. Ah bah merde hein. Le seigneur des ados. Mais oui. Le seigneur des ados. Le seigneur des ados. Putain, enculant nos bits, ça doit être super bien dans l'espèce de petit trou du cul. Ouais, c'est peut-être moi et puis mon taux d'alcoolémie qui... Tu crois que l'hobbit est un tout petit trou du cul? Ah je sais pas. Quoi? T'as tout petit anus. Ça doit être bien, je parle. Ça doit être tendre. Donc voilà pour mon petit quiz qui a duré... il est 50. Oh, tu aurais une bonne demi-heure. Oui. Peut-être ça commence à chauffer du chapeau là. Ouais. Donc du coup, bah c'est. Alors c'est à moi, Monsieur Gandalf. C'est à Monsieur Gandalf. À vous de clôturer. Attends. Hop. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu: descends du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. Et qu'est-ce qu'on chante? Alors maintenant, je sors le violon. Voilà. Parce qu'il faut toujours sortir le violon. Donc, alors, ce sera Morpheus de Stephen Wathery Band. Donc, Stephen Wathery, c'est le guitariste de Marion, pour ceux qui connaissent. Marion, qui est un hommage lui-même à... on vient d'en parler. Là, la dernière question, c'était le... C'est voilà, donc Marion, c'est la suite du... C'est même pas... Ah oui, c'est le avant, c'est le truc qui est imbuvable. J'ai essayé de le lire. Moi, je suis mort. J'ai décédé. Ah de... Tu dis Marion. Marion. Oui, c'est le Cimarion. Marion. Ouais. Le truc mais ils ont enlevé le site parce que c'était trop. Le truc qui est avant The Hobbit. Voilà. Qui est imbuvable, mais vraiment. La guerre des anciens, en gros. C'est ça. Ouais. Le truc, ils ont le des premier noms. Premier âge. Les noms ont déjà des. Les types ont des noms, déjà, ça fait une page. Donc voilà, donc c'est le guitariste de ça. Et en fait, je mets ça par symbolique parce que c'est le premier. C'est la première musique que j'ai écoutée dans l'avion entre Toulouse et Madrid au moment où je suis parti au Japon. Donc. Voilà, le téléphone sonne, mais c'est pas grave. On n'entend pas, il vibre. On n'entend pas, donc c'est pas grave. Donc voilà, je mets cette musique. Donc c'est Morpheus, la première chanson de l'album Ghost of Pripyat. Pripyat, c'est la ville la plus proche de Tchernobyl. Donc, c'est la ville où tout le monde s'est barré en courant, une fois qu'il y a eu la catastrophe. Photo de l'album, Yann Arthus Bertrand en plus. Donc voilà, c'est le coup de cœur, c'est du prog. Ça dure donc. Ça, c'est 4 quarts d'heure. Ah merde! On va passer la barre des 2 heures. Hein. Non, je crois qu'elle dure 7 minutes à peu près. Je crois, ah oui, donc on va passer la barre des 2 heures, je te le confirme. En plus, je te file la version flat, donc elle doit peser 3 tonnes et demie à peu près. Oui, parce que t'as pas rempli le doc hein, quand même. Hein. Non, mais j'avais. Non, mais. Voilà. Steve Rothery, voilà, c'est l'amour de. Voilà. Non, voilà, c'était ma musique à moi. Voilà, maintenant j'ai fait mon violon. Non, je vais vous laisser écouter ça avec envie. Ok, bah du coup, bah, bonne écoute et puis bah. Retrouvez-nous le mois prochain. Au mois prochain. Retrouvez-nous le mois prochain. Hashtag. Non, mais arrobase Asto. Non, arrobase Asto. Putain, alors, du coup, pour vous expliquer un petit peu, il me montre moi donc Azertov en disant toi, Asto. Donc, Et l'autre personne. L'autre n'est que 3, ça va. Alors du coup, on le regarde interloqué. Non. Arrobase Asto, Gandalf. Azertov. Quoi? Non. Donc voilà, donc à la prochaine. Oui. Ciao. Ciao. Ciao.